Mais qu'est-ce que tu fous, Roux? T'es malade ou quoi? Tu peux pas aller sur ce genre de site au boulot, tu vas te faire gauler. Bah quoi, j'ai vu dans le journal qu'on avait le droit de surfer sur Internet, hein, c'est pas un motif de licenciement. Ouais, mais enfin de là, aller sur des sites zoophiles quand même. Mais c'est pas un site zoophile, c'est le Facebook de ma meuf. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir, y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Ah bon, bah ta meuf a le même que toi alors. Ouais, apparemment, ah ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah ouais, quand même. Je me dis, ça y est, ils sont endormis là, ils sont pas encore. Le roux est encore dans son match. Ouais. Faut en parler, ouais. Là. Tu sais que j'ai pas suivi le match, parce que j'avais pas la chaîne. Et à un moment, je regarde sur l'iPhone les résultats, je vois 1-0 pour Paris. Je suis, oh putain. Ah non, mais Paris a dominé, voilà. a dominé la première mi-temps. Ils ont cru, quoi, ouais, tu vois, voilà. Ils ont fait des fautes. Je regarde à la 75e, un partout. Je me dis, bon, ça va finir sur un nul. Non, mais t'avais vu le carton rouge? Ah non, j'ai pas vu le carton c'est rouge. C'est à cause du carton rouge qu'on a perdu. Enfin, ça, on peut jamais savoir, mais... Ouais, non, on peut pas savoir, c'est sûr. C'est Erding ouais. qui prend un rouge. Ah non, là, c'est Sako. Ah. Un drame, quoi. Enfin, on en parlera tout à l'heure, bien entendu. On parlera de cette défaite marseillaise également. Hein. Enfin, c'est chaud pour les Marseillais aussi. Nicolas. Moins que pour les Parisiens. Hein. C'est vrai. Ouais, mais Paris, ils ont l'habitude. Ouais, c'est vrai. Quatre défaites d'affilée, d'ailleurs. Et oui, c'est magnifique. Beau. On a gagné que contre des amateurs, ce mois-ci. Ouais, c'est vrai. Ah, les Paris. Ouais, mais le Roux était fier à l'époque. Et ça, c'est beau. Bon, on en parlera tout à l'heure. Hein. On fait ici là. Hein. Ouais, on parlera surtout d'un scandale qu'il y a eu à Chelsea. Oui, bah, on va pas trop s'étaler, parce que je vous rappelle que le temps est compté. Bon, Sandro, il est en pleine forme. Bah oui. Bon, bah écoute, tant mieux, toi aussi, au taquet. Bon, tant mieux, Jack, pareil. Ouais. Bon, on sera le répondeur dans quelques instants. On parlera de la ferme célébrité. Enfin, de la ferme non célébrité. Ça a bien commencé. Ah ouais, avec Michael Vendetta en même temps, ils l'ont pris pour ça. Hein. Bon, d'ailleurs, il aurait dû le payer plus que les autres. Ouais. Parce que c'est payé plus que les autres. C'est grâce à lui qu'il va y avoir du show quand même. Ah ouais, bah clairement. Je sais pas si lui est payé plus, mais a priori, en fait, il y en a qui sont très très mal payés et il y en a qui sont très très bien payés. D'accord, ok. Ça dépend de l'agent que t'as et comment il négocie, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Bah, faut voir parce que celui de Soria Bonali, il s'est fait jeter, hein, d'agent, donc. Oui, c'est vrai, ils ont court-circuité, ouais. Bon, enfin bon. Bon, on en parle dans quelques instants, on va se faire le répondeur également. On parlera de maison hantée dans un instant. Je tombais sur une émission sur Direct 8, c'est. Bah, déjà, c'est beau qu'il y ait une émission sur Direct 8. Ouais, déjà, c'est beau. Mais on va en parler dans un instant. Quoi, c'était du mytho? De quoi? Je sais pas, tu dis c'était... Mais je vous ferai écouter parce que j'ai quelques sons, donc vous ferez une idée par vous-même. D'accord. Voilà, je pense que c'est encore le mieux à faire. Et puis, donnez votre avis sur les maisons hantées, hein, si vous avez déjà vu des fantômes ou si vous connaissez des gens. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont, soi-disant, déjà vu des fantômes? Bon, dites tout ça, 612, débuté par Énergie, ou alors sur mikl.fm, dans la communauté. Vous venez sur le Twitter et sur le fanbook de l'émission. On se mettra plein de sons ce soir, notamment du bon son rock US, bien sûr. Il y aura Muse qu'on mettra, Lady Gaga, il y aura PH Electro avec Francisco est revenu, hein, pour ceux qui étaient là vendredi, qui étaient là vendredi. Sandro avait écrit 100 SANS Francisco, donc c'était vraiment le morceau beau. Était beaucoup moins bien puisqu'il manquait quand même la moitié. Ouais, il manquait morceau, Francisco, bah, c'est ça, voilà. Donc on écoutera PH tout à l'heure, PH Electro, Ocean Drive, et puis on va démarrer maintenant avec Mikael Rain. Voilà le son de Mika à l'instant avec Rain sur Énergie. On se mettra Cascada aussi dans quelques secondes avec Fever. Et puis on va accueillir aussi dans quelques instants ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir peut-être des fantômes. J'avais posté d'ailleurs un petit message sur le fanbook en demandant si vous aviez déjà vu ou qu'est-ce que vous pensiez des gens qui en avaient déjà vu. Il y a Marie qui demande si sa sœur comme fantôme ça compte. Non. Non, ben non. Ça compte pas, à moins qu'il y ait éventuellement un drap sur la tête, mais sinon, ouais. Sinon non. Frédéric qui dit, j'y crois pas, mais j'ai déjà vu des vidéos sur ça et c'est très impressionnant. Ça fait peur, sinon bon petit week-end tranquille. Bon bah tranquille. Je vais écouter le sujet à fond. C'est Audrey qui avait envoyé le message. Et puis il y a Mayan qui dit, oui, il va mettre la musique de l'exorciste comme d'habitude. Eh ben non. On va mettre X-Files. Juste pour faire chier. Voilà, on ne mettra pas celui-là expressément pour t'emmerder. Voilà, Mayenne. Bon, et puis on va écouter le répondeur aussi maintenant. 01 40 71 3400. Écoutons les messages que vous avez laissés tout ce week-end. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, vraiment, vous êtes que des bandes enculées. Je comprends rien à mon répondeur. Allez, depuis une semaine, je fais que d'appeler. Depuis une semaine, je passe même pas à l'antenne. T'as la vieille, là, l'autre conne. Vas-y, passe deux fois. Quelle violence. Dans la même émission. Non, mais là, ça me pète les couilles, les gars. Je m'en fous si je passe pas ce soir. Je pète un câble. Et demain, je vais au studio. et vous m'entendrez parler, les gars. Ah, putain, je crache ma haine, moi, tous les soirs. On aurait pas dû passer pour vous. Je dis, vas-y, crache ta haine. Ouais. Moi, je la crache, mais je passe jamais. Putain. Oh là là. Salut, fin du message. Au moins, au revoir. C'est pour passer un coup de gueule. Encore la cam, elle marche jamais. Oui, bah, elle est pétée. Pas mal d'en racheter une. Oui, bah, je confirme. Ok, merci. Fin du message. Oh, c'est un dut, hein. Message suivant. Oui, voilà, Tof. Ben, comme en ce moment, je suis à la recherche d'une relation sérieuse. J'aimerais beaucoup qu'on se voit pour. Pour X choses, hein, Tof. Donc écoute, t'as mon numéro de téléphone. Je pense que tu n'es pas majeur. Tu peux m'appeler quand tu le désires. Minou, minou. 3 ou 4 ans avec lui. Fin du message. Je t'aime. Message suivant. Oui, Tof, oui, heureusement. Oui, donc je vais te faire une description globale de moi. Donc je suis une fille assez cool. Je fais 1m58, 85B. La taille du dernier pantalon que j'ai acheté, bah, c'est 34. Et voilà, ben, j'ai 22 ans. Ouais, voilà, on y croit. J'ai envie de m'éviter une relation sérieuse avec toi et j'espère que toi aussi tu as envie. Faut vérifier. Voilà, bah écoute, tu peux me rappeler, comme je t'ai dit, mon numéro, ton standard. Bisous. Fin du message. Faut la rappeler, Micha, mais là, ton standard. Salut l'équipe, vous connaissez la blague des 3 poussins? En fait, vous avez 3 poussins sur une table. Si vous en voulez que 2, vous faites comment? Vous en poussez un? Non, il est nul, c'est nul, vous en poussez un. Hein. Ouais. Bon, les gars, je suis trop contente de vous écouter là. Hier soir, j'étais toute malade et tout, et puis j'arrivais même pas à dormir, alors j'ai écouté le best-of et tout, puis vous m'avez bien endormi. Pas la bonne chaîne alors. Je suis contente de vous écouter cet après-midi sur energie.fr, j'ai rien d'autre à faire, je suis toute malade. Alors merci encore beaucoup de me tenir compagnie quand je suis mal. Allez, salut. On dirait qu'il va mourir. Bon boulot, salut. C'est cool, parce que vous remercie, elle n'est pas là, tu vois. Nous écouter, c'est nous qui devrions la remercier. C'est vrai que c'est assez vite. Surtout qu'elle nous écoute, alors on n'est pas là, hein, le dimanche. Non, mais elle a dit sur energie.fr, soit en best-of, je crois. Ah oui, si c'est en best-of, alors c'est pareil, effectivement. Bon, du coup, il faut qu'on rappelle la meuf qui veut Tof là, parce que j'ai 22 ans. Elle doit vraiment être désespérée. Déjà, elle doit être désespérée, mais surtout, faut quand même qu'on vérifie tout ça. Hein. Bon, on parlera de la ferme des presque célébrités dans quelques instants. Et puis, j'ai maté une émission donc sur Direct 8 l'autre jour. Là, ça s'appelait La Grande Soirée du Paranormal. En fait, c'est un mercredi sur deux. Et je tombais sur un reportage qui parlait d'une maison hantée près de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, hein, nord de la France. Et c'est paraît-il, l'une des maisons hantées les plus connues de France, construite dans les années 30, dans laquelle un enfant de 5 ans serait mort mystérieusement il y a quelques années. Bah, c'est bizarre, hein, surtout un enfant. Mais ce qui m'a fait rire, surtout, c'est le témoignage pertinent des voisins qui ont vu, souvent avec les propres yeux de quelqu'un d'autre, des phénomènes. Ah oui, je l'ai vu. Enfin, non, c'est mon pote, mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais vous l'avez vu, vraiment vu. Oui, enfin, Robert, mais Robert et moi, on est un peu... Enfin, c'est la même chose, quoi. T'as raconté ça au bar, le voilà. Et donc, ils voient des phénomènes bizarres. Hein. Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Lille. Cette grande bâtisse, construite en 1939, elle serait hantée. On raconte qu'il y a quelques années, un enfant de 5 ans serait mort dans des conditions mystérieuses. Depuis, des phénomènes étranges se seraient produits. Des locataires, effrayés par des bruits de pas et des rires d'enfants, auraient quitté précipitamment la maison. Certains occupants s'y seraient même pendus. Nous avons rencontré des personnes qui vivent près de la maison depuis toujours. Bon, j'étais en contact avec un pompier et il m'a dit, moi, je ne viendrai pas ici. Il y avait peur, parce que d'un pompier, bah, les pompiers doivent avoir peur de rien du tout. Mais c'est pas une superstition qui est derrière tout ça, quoi. C'est incompréhensible. Non, mais c'est vrai, imagine, t'es dans une maison et t'entendais pas et des rires d'enfants. Oui, non, mais bien sûr, après tu ça. Te chies dessus, la télé, je pense. Déjà. Après ça peut faire peur. Mais rassurez-vous, il y a d'autres voisins qui ont assisté à des trucs relativement bizarres, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, il y a des gens qui ont rapporté des choses étranges, oui, sur cette maison, oui. Ouais, mais alors concrètement, il s'est passé quoi alors J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron, et il lui arrivait des drôles de trucs. Son bazar, ça a tenu un an. D'accord. Mais alors, vous avez des exemples bien précis du phénomène? C'est pas précis du tout. C'est pas très clair. Hein. Il lui est arrivé des trucs vraiment bizarres. Ouais, d'accord. Là, on voit mieux. Bon, c'est concret, ça. Heureusement, il y a d'autres habitants dans ce village qui ont des exemples de ce qui se passe dans cette maison bizarre, hein, hantée. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait. Et par exemple, il y a eu des choses bizarres comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée, enfin, ça n'allait jamais. Et tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4, je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication. Des morts bizarres. Ils sont tous morts dans cette maison. La semaine dernière, il y a eu du gel. Le seul endroit où il y a eu un accident, c'était devant la maison, peut-être, ah bah exemple, oui. Vous voyez, ah bah, juste dans le virage. Là, alors, est-ce que c'est une coïncidence? Toujours est-il qu'il y a eu encore un gros carton avec un camion qui a fini dans la façade de la maison, quoi. Ouais, oui, évidemment. Alors, ouais, si quand c'est même, comme quand ça... même. Je veux dire, ouais. Ah, dans un virage, non, mais dans du gel, un virage, il s'est dégelé par terre. Ça, je suis d'accord, mais quand tu vois que voilà, t'as plusieurs propriétaires qui ont eu des problèmes et tout, machin. Ouais. Ah, c'est un hasard, hein. Ouais, c'est coïncidence. Ça, ouais. Bon, en tout cas, aux dernières nouvelles, la maison a été rachetée par une assemblée évangélique qui s'accommode très bien du fait qu'elle soit hantée. Quant à l'émission La Grande Soirée du Paranormal sur Direct 8, il y a des rumeurs comme quoi l'émission s'arrêterait, mais bon, j'espère que ce serait qu'une rumeur. Parce que je me demande quand même comment on fera sans eux pour trouver des reportages aussi passionnants. Non mais c'est vrai quand même. Bon, on parle de l'étrange du paranormal et des trucs chelous là. 612, lâchez vos messages, bien entendu. Et puis on va se mettre du son maintenant avec Cascada Fever sur Énergie. Voilà le son de Cascada Fever sur Énergie. On va reparler des maisons hantées dans un instant. On parlera du foot avec les beaux résultats de ce week-end. Le mercato là qui finit et, tout à l'heure. Là. Voilà, et le PSG d'ailleurs devrait s'y mettre. Hein, devrait aller chercher des joueurs quoi. Un moment ou un autre. Hein. Faut pas se précipiter. Non, ouais, bah, c'est, raison, c'est, ouais. C'est bien ça le problème avec le PSG, c'est qu'ils se précipitent jamais en tête du classement. Voilà, et même vers le but, hein, ils se précipitent pas non plus, il faut surtout pas avoir peur, tout allez, ça. Blablabla. Bon, on parle dans un instant avec Alexis, Bastille, Sherazade, il y a Pierre qui est là aussi, il y a Isra, il y a Angélique, Marie et puis les autres sur le fanbook et sur le Twitter, mikael.fm, rubrique La Communauté. Et nous avons. La meuf qui branchait Toff sur le répondeur. Ah, alors, la cochonne. Inès, je te présente Toff. Toff, Inès, Toff. Inès, 22 ans. Ouais. Ouais. Alors, Inès, quel âge as-tu? Ah. J'ai 15 ans et demi. Ah. Mais bah, je croyais que t'avais 22 ans. Oh, ouais, mais bon, c'est un mytho. Ouais. Elle aura 22 ans dans 7 ans, quoi. Ça va, c'est pour bientôt. Oui, c'est vrai qu'elle aura. Donc, le 95D, c'est aussi un mytho. Non, B, elle avait dit B. Ah. Et pantalon 34 à 15 ans, c'est oui, normal. Ouais, 34 hein, à 15 ans, c'est logique. Normal. Ouais. Bon, mais alors, Inès, t'as de la merde dans les yeux ou comment ça se passe? Je le kiffe à mort. Non mais attends. Tu l'as déjà vu? T'as vu sa tête? Bah oui, sur le blog. Ah mais justement. Ouais mais attention, il y a une photo sur le blog où il est plus ou moins à son avantage. Il y a une photo. Il y a une photo. Ouais, une. Ouais. Bon, il est bien moche quand même, mais je l'aime bien quand même. Ah mais Marie, est-ce que t'avais dit que tu recherchais une relation sérieuse? Oui, c'est ça. Bah ouais, mais bon. Ah, ça colle pas du tout avec Toff. Et puis même, t'as 15 piges. Tu vas chercher une relation sérieuse à 15 piges. Non mais je l'aime bien, il est populaire en plus. Ah oui, oui. Ah c'est juste parce qu'il est populaire. Je sais pas que non, moi. Non, si, il doit être chaud aussi. Oui, il doit être chaud. Ouais, enfin, il se fait chauffer quand il allume le feu, quoi, comme tout le monde, hein, tu vois. Ouais. Rien d'exceptionnel, quoi. Il est pas nature, quoi, paraît-il, en tout cas. Hein. Bon, si, bah, il est nature, il est sans artifice. Ouais. Ça, c'est le problème. Bon, bah, Inès. Moi, je n'en rajoute pas. Je fais avec ce que j'ai. Écoute, on va te donner le mail. Pas grand chose. T'as pas trop le choix non plus. On va te donner le mail de Toff. Tu le recontacteras dans 3 ans car je suis. Ah oui, ne lui donne pas le mail de Toff. Voilà. Ouais. Tu lui rends pas service. Ah si, je le veux, Eh ben alors. Toff@energie.com. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ah, mais je pense que ça marche pas longtemps. Ça. Donc toff@energie.com. Ok. Voilà, Inès. Gros bisous. Je t'aime, Toff. Je t'aime. Moi aussi, quelle Inès, horreur. Mais dans 3 ans. Non, le CSA m'oblige à couper, à censurer ce genre de propos. Je suis vraiment désolé. Ça mais... pourrait se retourner contre nous. Voilà, exactement. On pourrait faire de la prison. Hein. Ouais. Non, mais rigolez pas, parce que Laurent, il rigole. Mais danger faire, public. On peut faire de la prison, hein. Franchement. Mise en danger d'autrui. Ouais. Exactement, ouais. Bon, pour revenir au truc de la maison bizarre, là. Déjà, il y a la vidéo de la maison qui est sur le blog hein, de l'émission, si vous voulez aller jeter un œil. C'est aussi sur mikael.fm. Et il y a Basti qui dit moi, j'ai un ami qui, chez sa grand-mère, on entend la nuit le plancher du grenier. Je flippe grave. Ouais, ça, c'est normal. Non, bah, ouais. Ça bouge, c'est normal, ouais. Quand je vais chez sa grand-mère, j'ai grave les boules. La dernière fois, on s'est réveillé. Fenêtre grande ouverte et une clé de voiture dans la chambre. On croit que c'est le fantôme de son oncle qui vivait dans ce grenier et qui a fait une crise cardiaque dans ce grenier. Les boules de ma vie. Quel rapport avec les clés de bagnole? Bah, non, mais genre, il y a des clés de bagnole qui sont arrivées. Demande à ma fille. Oh là là, la vieille vanne. Et ça, c'est pas vieille vanne. Non, ça non, va. C'est mais... pas vrai, elle est pas vieille. La référence dit... vieille. Non, mais quand on dit vieille, c'est parce que c'est. C'est parce que son film, il l'a sorti il y a 10 ans sur et les clés de bagnole. Parce que c'est pas terrible. C'est pas il y a 10 ans. Oh là là. Ça fait un bail quand même, hein. Putain, ah oui, ça fait un petit temps. Mais tu vieillis, Toff, hein. Mais Roux, il y a 10 ans, t'avais 4 ans, comment tu peux t'en rappeler? C'est ça, ouais, ça aussi. Il y a pas loin, hein. Mais si. Non, il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Oui, en plus. Et il fait, mais arrête, c'est genre. T'as 4 ans. Genre, je suis plus vieux. Alors, bon. Quelle année, Roux? Il écoutait les G-Squad à cette période-là. Ouais, bah il écoute encore aujourd'hui, hein. Putain, ça va. Non, il sort plus de son, hein. Ça fait 7 ans. Il est sorti en 2003. Ouais, 7 ans, c'est pas mal quand même. Bon, on se mettra Rihanna aussi dans un instant. Et devinez ce qu'on va faire là. Bon, écouter un peu de musique ou une pause pub. Non, d'abord la pub, puis la musique après. Oui, ça va ensemble. Chaque chose en son temps. Et on fait dans un instant, j'ai même pas dit ce qu'il avait gagné. Bah, j'ai pas le temps, hein. Ah bah après la pub, je ferai un petit inventaire de ce qu'il a gagné cette semaine. Restez là. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. L'émission revient juste après ça. Voilà le son de Christophe Maé à l'instant avec Ding Ding Ding. Et on va parler maintenant de choses bizarres. Puisqu'on était tombé sur cette belle, magnifique émission sur DirectUit, donc sur le paranormal. Nous avons Charles qui est là maintenant, 27 ans. Salut Charles. Bonjour Mika. Comment ça va? Ça va et toi? Oh Charles, 27 ans de Liège, ça fait plaisir d'avoir un Belge qui écoute encore. Eh oui. Un petit belge. Eh ben écoute, on est ravis. Bon, sois le bienvenu. Alors, tu voulais nous donner ton avis, toi, par rapport aux fantômes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, donc en fait, je suis bien évidemment donc médium. D'accord. Donc au niveau médiumnité, Niveau médiumnité. Médiumnité. Oui, pas... voilà. Bon, mais il est tard, hein, c'est pour ça. Attends, mais je parlais de toi. C'est quoi médiumnité, unité? Au niveau médiumnité, c'est quelqu'un, en fait, c'est la faculté de... Médiumniser. Voilà, exactement. D'accord. Bon, donc, je suis... le fait d'être médium, c'est le fait d'être, donc, de pouvoir voir ou entendre, donc, les morts. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec la voyance, alors? Par rapport, en fait, la médiumnité est dans le prolongement de la voyance. Donc, c'est comme un don qui est encore plus travaillé, quoi, je vais dire. Donc, en fait, il y en a qui sont voyants, qui voient donc notamment de par les cartes, les tarots. Mais, je vais dire, la médiumnité, c'est quelqu'un qui a travaillé en plus loin son don, quoi, en fait. D'accord. Ah bon. Ok. Et alors, t'arrives à faire quoi? En fait, moi, j'arrive donc à voir, donc je vois des ombres, je vois des gens aussi, et j'entends. Est-ce que tu vois quelqu'un dans notre studio? Là, je ne sais pas parce que je ne suis pas sur place. Ah bah, déjà, tu vois, on est cinq, donc... Mais c'est des morts. Pas très bon comme médium. Elle veut dire un mort. Ouais, mais oui. Est-ce que tu vois une âme morte? Est-ce que tu arrives à toucher ton nez avec le bout de ta langue? Ah, ça c'est difficile, oui. Ah, tu n'es pas médium alors. Non, mais bon, donc il faut être sur place. Donc en fait, c'est quand je suis sur place, donc par exemple, le soir, chez moi, ou donc dans la pénombre, ou même dans une lumière, dans la lumière, je vais dire, donc je vois des ombres, et alors je peux les entendre aussi. Donc voilà. Moi personnellement, je suis capable d'entendre Michael Jackson. J'entends les morts. Ah, oui, mais moi aussi, quand j'écoutais Rire et Chanson tout à l'heure, et j'ai entendu Michael Jackson aussi. Ah, ben voilà. Sur Rire et Chanson? Oui. Ah bon? Oui. Donc, comme quoi, effectivement, on peut y arriver. Hein. Bon, quel est le truc chelou le plus chelou qui t'est arrivé? Mais disons qu'effectivement, j'étais dans ma chambre. Un soir, j'étais endormi. Enfin, pas endormi, justement, mais j'étais couché, j'étais allongé dans mon lit. Mmh. Et là, j'étais sûr qu'il n'y avait aucun bruit, puisque c'était une maison totalement isolée, donc aucun voisin, ni à proximité, ni rien du tout. Donc, j'ai entendu clairement la voix d'une dame, donc dans ma chambre. Et donc, à ce moment-là... Vous n'avez pas payé le loyer. Ou EDF. On vient couper le courant, hein. Voilà, exactement. Donc en fait, c'était, et là effectivement, comme j'étais beaucoup plus jeune, puisque c'était au début et que je n'avais pas encore travaillé mon don et je n'étais pas encore habitué à tout ça, à toutes ces choses, et donc bien évidemment, ça fait très peur, oui, évidemment. Mais entendu quoi et qui? C'est ça, c'est l'essentiel. Parce que en fait, là tu tiens un discours comme le mec qu'on a écouté tout à l'heure là, tu sais, dans le reportage sur DirectUit, ouais. qui disait on entend des trucs, enfin c'est bizarre, il y a vraiment des trucs, c'est mystérieux. Tu sais, ils répondent jamais. C'était étrange. Alors, ils répondent jamais. Il y a le facteur que les maisons font du bruit, c'est comme ça, hein, avec les courants d'air, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des bruits, oui, dans voilà, une maison. Et il y a aussi un deuxième facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que t'as des phases dans le sommeil, donc il suffit que tu ne sois pas dans une phase d'endormissement total, Il se peut que tu mélanges avec le rêve que t'es en train de faire. C'est comme parce que t'es en phase de réveil ou en phase d'endormissement, donc ton rêve n'est pas terminé. Et c'est un truc qui arrive aussi à ceux qui sont sur la route et surtout qui, tu sais, ceux qui roulent la nuit et ça m'est arrivé, ça m'arrive plus maintenant, mais ça m'est arrivé à un moment. C'est que parfois quand t'es tellement fatigué, t'as l'impression de voir quelqu'un qui traverse ton route. C'est des hallucinations, quoi, parce que t'es claqué. Voilà, parce que t'es claqué, donc t'as des hallucinations. Donc voilà, après, je dis pas que ça existe pas, je dis juste qu'il y en a, à mon avis, beaucoup là-dedans qu'il faut foutre à la poubelle parce que ça vient d'hallucinations et que t'es juste persuadé d'avoir vu un truc qui en fait n'existe pas, quoi. Du coup, la meuf, t'as dit quoi alors, la meuf qui était chez toi là? Ouais, c'est vrai. Et donc, ben voilà, en fait, elle demandait clairement à l'aide, je lui ai demandé vraiment, mais enfin. Demander, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas comme entre êtres humains ici, c'est pas la même chose. Je vais dire Tu parles quelle langue? Non, par la pensée. Par la pensée, tu lui as dit qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, exactement. Et donc, elle me demandait de l'aide tout simplement. Et bon, ben. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé à passer de l'autre côté, à aller mieux tout simplement. Non, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'écoutent, et par exemple, moi je t'écoute. T'es pas crédible du tout, quoi. C'est-à-dire que, puis tout à l'heure, on dit, mais elle a dit quoi? Tu l'as aidé à passer de l'autre côté. Techniquement, on a du mal à s'imaginer comment tu passer de l'autre côté de la rue, à passer de l'autre côté de quoi? Ah, mais attention que ce domaine-là est très abstrait, hein. Ça, c'est sûr c'est sûr. Ça, c'est très abstrait, c'est très, Mais donc, t'as fait quoi? Et donc, je l'ai aidé par des prières, par des... C'est la faculté de communiquer, tout simplement. Bon, en gros, parce qu'on dit souvent qu'elle cherchait son chemin pour monter au ciel, c'est ça? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Parce que j'ai déjà entendu des discussions comme ça de médiums qui disaient... De comptoir, de ouf. De comptoir, souvent aussi, oui. Ouais. Bah, avec toi, Jack. Assez souvent, d'ailleurs. Et ils disent que quand t'as un proche qui est mort, il faut pas trop l'appeler, trop penser à lui, parce que du coup, ça lui... Et, apparemment, quand tu meurs, il y a un espèce de... Alors, c'est pour les croyants. Quand tu meurs, il y a un espèce de chemin que tu dois faire pour monter au ciel, et tu l'empêches de monter au ciel à trop l'appeler. C'est le pH, ça, ils ont augmenté. En fait, c'est ça. Ben voilà, en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ne pas trop le retenir, parce que plus on l'appelle, plus on le retient, en fait. Donc, voilà. Bon, attends, alors. J'ai tout compris. Et bon, ça, ce sont des légendes, au final. Hein. Oui, bien sûr. Charles, reste là deux secondes. Il y a des messages qui sont arrivés. On va essayer de prendre quelqu'un qui y croit ou qui n'y croit pas, justement. 612, ouais. Débuté par Énergie ou sur mikl.fm dans la communauté. On se met Rihanna maintenant. Rude Boy sur Énergie. C'était le son de Rihanna, Rude Boy sur Énergie. On reparle dans un petit instant des médiums, des trucs bizarres. Les médiums nous écoutent, hein. Les médiums qui écoutent, apparemment. Et tant mieux, d'ailleurs. Bah oui, en même temps, tout le monde nous écoute quand on est dans l'au-delà. On a des médiums dans notre équipe aussi. Oui, effectivement, il y a une stagiaire qui est médium et qui fait peur à Sandro. Elle fait peur à toute l'équipe. Et à Pablo. À Sandro et à Pablo. Oui, parce que forcément, elle sent la présence des esprits dans la pièce où on est assez souvent. Donc, elle nous dit, ouais, bah, il est assis là, dans le canapé. Paraît-il. C'est les aisselles du roux, hein, qui perturbent pas mal. À mon avis, c'est ça fait des interférences. Comme quand tu mets le téléphone à côté de la radio. Ton portable, ça fait tar, c'est pareil avec les aisselles du roux. Et c'est marrant parce que même les gens qui n'y croient pas, quand elle leur dit bah il est là, il est assis dans le canapé, et que tu dis bah vas-y Pablo, va t'asseoir dans le canapé. Il est terrorisé. Bon, je les amis, en attendant, avec Jimmy qui est là maintenant, qui appelle de la glacerie. Oh, c'est l'endroit préféré de Sandro, ça. Pas le glacier, hein, mais la glacerie. Salut Jimmy. Salut. Ça va? Ouh, t'es donc t'as la pêche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? T'es fait écraser le pied par une voiture? Non, ça va. Ah bon, d'accord, ok, ça va alors. Écraser le pied par une voiture. Oui, bah écoute. Sans qu'il vienne. Mais non, mais j'avais un premier exemple, genre quelqu'un est mort chez toi, mais il m'aurait dit oui, genre il revient. Donc bon. Ça nous est déjà arrivé, hein. Oui, bah c'est pour ça que je préfère éviter maintenant. Hein. J'ai eu une leçon, et voilà, et c'est bien de pouvoir s'en rappeler. Oui. De ne pas faire deux fois la même erreur. Bon, Jimmy, alors, on va faire le jeu des amis maintenant. Ouais. On va appeler qui? Alexis, Johan ou Alexandre? Alexis, eh ben c'est parfait, on y va, on l'appelle de suite. Alexis, c'est un pote à toi, c'est ça? Ouais. Bon, on va lui poser 10 questions, s'il répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Allez, on y va, ça sonne, c'est parfait. Je répare le meuble. Ne vous inquiétez pas. T'as plus fort alors, hein? Ouais, non, mais c'était juste un petit détail là. Allô? Allô, Alex? Allô? Oui. Ça oui, va, Alex? C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Ouais, ça va. Bon, je t'appelle pour le jeu des amis avec Jimmy qui est dans le standard également. Je vais te poser 10 questions à propos de Jimmy. Si tu réponds bien à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux, ok? Ok. Il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu passes. Et c'est considéré comme une mauvaise réponse. Première question. On y va. Dans quelle matière scolaire est-il le plus nul? En maths? Non, en italien. C'est assez rare, mais... Pourquoi t'as choisi italien? Bah, parce que c'était italien, Jimmy, non? Ah oui, ça c'est sûr. Je croyais que c'était bien, en fait. Tu croyais que c'était bien? Ah oui. Ah bah ouais. Ça marche au coup de boule, hein? Ouais. Et je viens, il y a un délire là, en fait, ils ont plus assez de profs, je crois que c'est d'allemand. Et alors, du coup, tous les gens qui ont pris allemand en option, ils sont obligés de prendre une autre langue, du coup. Tu sais pourquoi ça? C'est à cause des Tokyo Hotel. Je sais pas. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, c'est probablement. Plus de gens qui s'inscrivent en allemand. Bon, allez, vous vous enflammez, pardon. Mais moi j'ai un timing. Hein. Quel est son style de musique préféré? C'est perdu. Le rock. Quel est son plus gros défaut? Je sais pas. Il est anxieux. À quel âge a-t-il arrêté de sucer son pouce? 2 ans. Non, soi-disant, il n'a jamais sucé son pouce. Soi-disant. Bah oui, c'est vrai. À quel âge a-t-il arrêté de pisser au lit? Je sais pas. 2 ans. Ah oui. Quel type de sous-vêtements préfère-t-il porter? Des caleçons? Non, des boxers. Quel est le dernier livre qu'il a lu? Victor Blanc. Oui, bonne réponse. Ça, c'est mieux que tu fais à l'école. Bah oui. Attends. Quel est le dernier cadeau qu'on lui ait offert? Je sais pas. Un jeu PlayStation. Voilà. Quelle est la personne qu'il déteste le plus? Je sais pas. Alexandre, un mec de son bahut. Et c'est enfin, fort. The Last One, la petite dernière. Quelle est la taille du... Allez, quelle est sa pointure de chaussure? Ce sera plus simple. C'est pas sûr. 45? Non, 44. Ah là là, c'est dommage. 9 mauvaises réponses. On avait presque un sans faute. Sans faute, mais dans l'autre sens alors. Hein. C'est pas grave, tant pis. Hein. Salut Jimmy, salut Alex. Il a pété. Ah oui, ça arrive souvent. Hein. À bientôt à vous deux. Et puis si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas à venir jouer avec nous, bien sûr. Vous inscrivez aussi sans 12, débutez votre message par énergie, puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone. Au paquet de rêves, les gants, tout bien. Voilà, c'est du portugais. Pablo. Oh, ça arrive par là. Ouais, moi ça va. Parce que moi je suis plus haut, donc normalement l'odeur vient pas jusque chez moi, je ne sais pas pourquoi. Ouais, n'oublie pas que c'est le cul du roux, hein. Pablo, reste là, on va parler. Pablo. Attends, je sens. Ah bah il adore lui. Hein. J'aime. Ah. Tu veux savoir ce qu'il a mangé, c'est ça? Dedans. Je disais reste là parce qu'on va bientôt parler des morts qui sont dans le studio. Des fantômes. Je peux pas. Comment si, assieds-toi là, c'est un ordre de Michael. Ah merde, j'ai du taf. Ton taf c'est ça. Ma jambe coupée. Tu es exempté de travail, Pablo, si tu restes là. Il le fait déjà exempté. Oui, il est déjà exempté. Ouais. Il te confirme. Exempté. Non, reste là, on va faire une petite expérience dans un instant. Avec toi. Okay. On va mettre un ami qui te veut du bien à côté de toi. Quelle horreur. Après, c'est pas possible un ami qui te veut du bien. Hein. Bon, reste là, Pablo. Reste là. Mais non, t'as pas peur. Non, allez, on va se mettre un peu de musique dans un instant avec Ocean Drive et Because. Et puis derrière, on parlera avec toi et avec tous ces gens qu'on ne voit pas. Bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Michael revient juste après ça. C'était le son de Ocean Drive à l'instant. Because sur Énergie, 21h minuit. Vous lâchez toujours vos messages. Bien sûr, on fera le mag tout à l'heure. Et puis on se mettra encore du son rock US, bien sûr. Et puis on parlera de la ferme des... presque célébrités en fait. Hein. C'est un peu... Ça dépend qui. Allez. La débilité. Ouais, mais nous on va dire presque célébrités parce qu'ils sont vraiment pas tous célèbres. Hein. Bon, en tout cas, il s'est déjà passé pas mal de choses. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Pablo, Polo, dehors. C'est toujours Polo qui. Il faut qu'il vienne discuter avec tout le monde. Mais non! Dehors! Parler d'un sujet social! Justement, on parlait de. Hop! Je m'en vais. Parlez si la machine à café. Pas, bah d'accord. Hop, la machine à café vous appelle. C'est important. Parfait. Hop là, un parasite en moins. Quel est le suivant? Quel est le suivant? Tu dis ça par rapport à quoi? Quel est le suivant? Non, toi Pablo, tu restes là, quoi qu'il arrive. Bon, alors l'expérience, justement, nous avions Charles et Stéphane qui sont là maintenant. Salut Stéphane. Salut, ça va bien Michael? Salut. Ça va et toi? Bien, ça va bien. Bon, très bien, sois le bienvenu. Bon, merci. Alors, Stéphane, toi dans quelques secondes, tu voulais parler de quoi exactement? De la voyance, je voyais des personnes, des morts ressuscités. Et là, t'arrêtais pas de voir de la présence. Toi, tu es fan de Frédéric François? Moi? Non, c'est... Oh, c'est Martial, ça. Martial, ouais. Oh, Martial. C'est pas Martial au téléphone? Ah non, c'est Stéphane. Martial, si tu écoutes, rappelle-nous un petit cas. Et je te fais des gros bisous, Martial. Ouais, elle a envie de toi, Martial. Mais arrête de dire des conneries. reviens. Polo! Dehors, j'ai dit. Mais je parlais Non, oh non, bah non, bah non. Comme à l'école. Tu vois quoi ? Incroyable. Je t'ai vu parler. Mais non, mais il veut assister à l'expérience. Je t'ai vu parler. Quelle expérience ? Oh. Ah, je sais pas, il a dit qu'il y avait une expérience. C'est Pedro. Je l'ai vu parler. Allez, ça y est. Prendrait l'entière responsabilité de ce qui vient de se passer. Je m'en vais. Dis-lui la vérité, c'est parce qu'il a peur que tu capotes l'expérience, Polo. Oh là là là là là là, c'est ça. Bon, y a Ludivine qui est au standard et qui est stagiaire avec nous, qui est la stagiaire de Micha. Ouais. Et enfin, qui fait du meilleur travail que Micha. Hein. Voilà, ouais. C'est pas dur. Mais c'est parce qu'elle voit les erreurs que Micha fait. Regardez-la, ce moment-là. C'est ça, ouais. Allez, non, mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on transfère le salaire. Ouais, juste ça. Tu vois, qu'elle soit payée, que Micha soit le stagiaire. Parce que j'ai un salaire, moi. Parce qu'il arrive quand même il arrive toujours au moins deux heures après elle. Ouais. Oui. Mais tous les jours en retard, hein. Sauf aujourd'hui. Il arrive, je suis arrivé à l'heure et pendant une heure, il était au téléphone en train d'essayer de réparer son autoradio. C'est quand même, je suis arrivé avant toi, Michael. C'est quand même le principe du stagiaire, normal. Hein, de faire plus d'heures que le maître de stage. Oui, mais enfin, quand même. Bon, Ludivine, viens par ici, mets-toi. Derrière Pablo. Ouais, mais. Ou alors entre, à côté du roux, entre roux et Pablo. Alors, donc, Ludivine, mais toi, t'es. C'est quoi ta fonction? Stagiaire, c'est sa fonction. Non, j'ai compris, mais au niveau de tout le bordel. Je suis médium empathique. Médium empathique. En plastique. Je suis une débutante, quoi. C'est comme les ceintures au judo. En fait, l'empathie, pour faire simple, c'est que moi, je suis capable de ressentir. Non, dans le micro. Je suis capable de ressentir ce que les gens. Les sentiments des personnes, mais vraiment dans l'inconscient. D'accord, ok. Et est-ce que tu sens. Micha, le standard est de l'autre côté. Ben oui, mais enfin, ça sonne pas. Mais comment tu peux le savoir, t'es de l'autre côté? C'est Polo, nous voilà. Incroyable quand même. Oh, laisse-le voir. C'est l'esprit de Polo qui revient en permanence. Tu iras voir le directeur. Hein. Bon, donc t'es médium, c'est empathique. Empathique. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, est-ce que tu vois un mort à côté de Pablo? Mais là, je suis pas préparé donc. Enfin, il faut pas se préparer, tu ouvres tes yeux, c'est comme si moi je vois Toff. Non, bah non, non, c'est rien, c'est plus dur, quand même. Non, lâche la vaseline, Polo, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là de nouveau côté du studio? Non, mais à côté de Pablo, esprits, ou dans le studio? Non, ou dans le studio, il y a quelque chose ou pas? Ludivine a dit, c'est lui le mort. Ouais, vraiment. Donc, dans le studio, est-ce qu'il y a des morts? Il y a quelqu'un qui se balade dans le bâtiment. Ah, dans le bâtiment, ouais, mais enfin il est grand le bâtiment. Oui, la sécu tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut? Pour le moment, il m'a rien dit. Allô? Mais c'est le même que d'habitude. Une seconde. C'est un jeune, mais je sais pas qui c'est, il veut pas me parler. Donc... Est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore mort? Non. Mais juste son esprit qui vienne. Une personne dans le coma. Et qui ne pourrait pas légalement venir aussi vite. C'est l'audience. Une personne dans le coma pourrait, ouais. Ah, dans le coma, ouais. Mais pas quelqu'un qui est... Qui c'est l'audience hein, qui est dans une le coma. Qui est vivante. Qui est vivante, mais tu sais, qui dort et hop, l'esprit viendrait ici. Ouais, mais ça, c'est hard. Hein. Ah oui, c'est hard, enfin bon. Je voudrais pas savoir que Toff, quand il dort, où est-ce qu'il est son esprit. Bah, laisse tomber. Hein. Et dans alors, son slip. C'est parce que pour faire ça, il faut beaucoup de concentration, il faut être dans la médiumnité depuis des années. Ça se fait pas comme ça en claquement des doigts. Est-ce que tu sens quelque chose chez Pablo alors? Oui, c'est ça le truc, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose au... Dans son fort intérieur. Voilà, dans son très fort intérieur. La bêtise. Ouais. Non mais en vrai. Regarde là, Pablo. La bêtise, vraiment. Non, il faut qu'il regarde pas dans les yeux. Allez, Pablo. Je suis une vraie tapette, moi. Pablo. Je peux pas. S'il veut pas, je peux pas. Vas-y. Mais bien sûr qu'il veut. Vas-y, Pablo, regarde, tu veux. Vas-y. Allez, hop. Hey, je veux que ça. Ah, c'est chelou ce qui se passe. Il y a une espèce de flux entre les deux yeux. Qui passe. C'est l'amour qui passe. Non, je crois pas, non. Il se passe quelque chose, là. Une effluve verte. Bah, Pablo, regardez oui, par là. Pablo, maintenant tu vas lever tes bras. Alors, tu vas Pablo... lever tes bras, tu vas m'écouter. Tu vas écouter ma voix. La voix ne s'arrête pas. Tu lèves tes bras, tu t'endors. Tes paupières sont lourdes. Tes sourcils partent en arrière. Bon, roux, laisse-la faire. Enlève ton casque, Ludivine. Laisse les professionnels travailler, roux. Pablo, tu vas maigrir. Tu vois, t'es déjà mauvais. Jeanne se regarde. Ah voilà, tout ça pour faire ça. Et il est resté là pendant une demi-heure pour faire ça. Ça manque de concentration et de sérieux. C'est pas ouais, bon, sinon, il y a Pedro. Pedro, c'est le corps. Là. Ah, Ludivine aimerait travailler sur Pedro au plus. Hein. Ah, tu préfères. Tiens, Pedro, viens là. Ah bon, Pablo, rien du non, tout. Non, en fait, je ressens quelque chose, mais ni de Pablo ni de Pedro. Ah, tu ressens quelque chose. Qui c'est sur le dernier qui reste, Polo. Je suis autorisé à le dire. Ah, vas-y, Bien sûr, ça moi dépend, je te risque. Je te dis que ça va tomber sur toi, Sandra. Non, c'est pas moi, c'est bon. Tu peux le dire alors. Hein. Attends, si c'est quelqu'un d'autre, je t'autorise à le dire. Si c'est Mike, tu peux pas dire. Si, si. Bah, si c'est Rose. Qui autorise pas à dire? Non, mais moi, je t'autorise. Qui n'autorise pas? Toff et Roux autorisent. Sauf si ça vient de moi. Oui. Jack, tu peux? Alors, je peux avoir rien. Ah, non, bah, alors, c'est soit toi, moi, Mike. Soit. Bah, il reste que ça. Qui c'est qui? Ah non, toi, soit toi, soit. Non, soit moi, il m'a dit que c'était pas moi. Vas-y, vas-y, juste, vas-y, juste le nom de la personne. Ouais, oui, allez, vas-y. C'est Mickaël. D'accord, ok. Allez, vas-y, vas-y. Attends, on sait pas ce qu'il y a, Michel. Mais non, non, non. C'est à quel niveau? Parce que la dernière fois, elle m'a dit: ah, il faut pas que tu partes en vacances parce que tu vas avoir de la fièvre. Oh, je vais pas partir en vacances. Non, j'ai dit fièvre. Attention. T'as eu de la fièvre. Fièvre. Non, c'est la fièvre, tu m'as dit. Je suis la plus fièvre, malade. J'ai dit, fais attention à tes sacs aussi. À mes sacs? Oui. Quel sac? Ta valise. Tu mets des sacs à main, Mike? T'es parti avec une moche, t'es parti avec un sac. Non, mais voilà, oui, j'ai eu de la fièvre pendant 24 heures. Mais je n'allais pas ne pas partir en vacances parce que j'allais avoir de la fièvre. On va faire attention. Oui, ben voilà, mais j'ai. Et donc, qu'est-ce qu'il y a chez Mickaël? Tu autorises, Mickaël? Oui, je m'en branle, oui. Non, c'est des choses qui ne se disent pas comme ça en public. En même temps, ça fait 8 ans que je le dis, Roux. Hein. C'est vrai. Pas un secret. Hein. Non, je vais mourir ou pas? Alors ça, j'en sais rien parce que moi, je suis pas Dieu, je vois pas la mort. Ah merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup. Mais tu vois quoi? Qu'est-ce que tu fais vois? Peur. Quel genre de truc tu vois? Du négatif. Oui, c'est parfait. Oh oui, c'est parfait. Ça, Mike. Dans les jours à venir ou pas? C'est plus sur le plan personnel que professionnel. On va s'arriver au même à peu près au final. Non. Ah bah si. Plutôt la famille. Voilà. Le chat, le chien. Non, alors là, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat. Donc, Ben justement, c'est peut-être ça le problème. Ah peut-être en avoir un. Tu vas en avoir un en fait. Ah ouais, peut-être que je vais en avoir un, dis donc. Merde, effectivement. Ça, donc c'est la famille. Mike, il avait engrené. Ouais, c'est Pablo qui va faire l'expérience. Bah ouais, mais il veut pas. Mais c'est pas une expérience, ça. Y a rien. L'expérience, c'est de voir s'il y avait des morts autour de Pablo. Oui, ce sont des choses qui ne se commentent pas. Je suis désolé, on dit pas. Attends, la dernière fois, t'avais vu Michael Jackson en haut là. Jamais vu Michael Jackson. Donc, il était sous une table. Pas très étonnant. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, je suis assez déçu. Donc, il y a pas de mort dans le studio. Là, à l'instant précis, non, mais il y a quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un en haut. Pablo, va le chercher. Va le chercher direct. Dès qu'elle dit il y a quelqu'un en haut, j'ai des frissons. Il faudrait demander s'il y a. Si je peux avoir la parole 3 secondes parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les médiums. Ce qu'il y a, c'est que les esprits, c'est pas des, comme on voit dans les films du style 13 fantômes qui poursuivent avec une hache pour te tuer. Non, c'est pas possible, ça n'existait pas. Ils n'ont pas de hache. Ouais, mais voilà, faut comprendre que pour des gens qui ne pratiquent pas le profane, la médiumnité, voilà. C'est compliqué. Le problème, c'est qu'il y a toute une image qui est véhiculée par le cinéma et qui nous, une mauvaise image. En fait. Oui, c'est comme pour le grand requin blanc. Nouveau retour avec ses poissons. C'est vrai qu'on a. Voilà. Ça veut dire les dents de la mer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans le bâtiment? Non, pas forcément. Oh, c'est quelqu'un qui s'est égaré, c'est ça? Oui, une personne qui cherche à transmettre un message. Ah oui, mais il ne te parle pas, alors c'est un message. Un mail, ça, comment tu veux faire? Mais ça prend du temps, ce genre de choses. Ah oui, mais c'est comme la poste, hein, pour pas qu'il y ait des grèves. Ah oui. Ah bah oui. Oh là là, on s'en va, il y a de la musique à mettre. Ah, c'était intéressant. Bah oui, bah, je suis désolé. Hein. Black Eyed Peas. Si tu vois d'autres choses, n'hésite pas. Oui, bah oui. Sur Black Eyed Peas ou n'importe qui. Hein. Oui, bah surtout People. Hein. Meet Me Halfway et puis on revient juste derrière, on prendra donc comme promis Stéphane. Le son à l'instant des Black Eyed Peas avec Meet Me Halfway sur Énergie tous les soirs. Vous lâchez toujours vos messages, bien sûr, au 612, débuté par Énergie ou sur mikael.fm. Voilà, on en parlait au début de l'émission. La ferme des pas très célébrités a fait un carton vendredi soir. Hein. 7 millions de personnes qui ont regardé. Mieux que les Music Awards. Et mieux que Secret Story aussi, qui n'avait fait que 5 millions pour l'entrée des candidats. Et comme on l'avait prévu, c'est Mickaël Vendetta qui fait le show. Et donc, il a déjà réussi à dire à Miss Paris que ses photos d'entrevue étaient à gerber. Et il s'est déjà pris la tête avec... Franchement, les photos sont pas terribles. Quoi, oui, non, mais bien sûr. Ouais, mais enfin, ça fait 2 jours que tu as vu la meuf. Le premier truc que tu lui dis, c'est bonjour, tes photos d'entrevue, c'était de la merde. Voilà, c'est pas le but. Hein. Quoi. Et donc, il s'est déjà pris la tête avec tout le monde. Mika, n'importe quoi. Tu veux que je te dise un truc qui va faire plaisir à des milliers de téléspectateurs? Moi, j'ai dit que vous étiez des crétins parce que. Écoute-moi, Mika. De quoi? Jaloux de quoi? Non, parce que, à l'heure actuelle. On a trouvé le roi des blaireaux! Voilà. Et bravo à TF1 qui s'est dit, les gens, ils ont tellement la haine contre ce mec, pendant les moments où ils se la ramenaient, qu'ils l'ont foutu là-dedans, ils savaient que les autres allaient allaient attaquer, ils allaient dire, ah, fort, ça, et ça attendez, va. Et puis du coup, dès qu'il dit un truc, il doit se faire démonter, quoi. Ouais. Ah, bien sûr, évidemment. Et puis ça, c'est un son qu'il va falloir couper et garder, parce que Greg le millionnaire qui dit à quelqu'un, t'es un raté. Oui. Après, il y en a aussi. C'est le camembert qui dit Roquefort, tu pues. Exactement, ouais. Et du coup, c'est pas un mec qui était méchant. Non, mais c'est un mec raté. Et donc, du coup, Francky Vincent, donc le mec qui chante ça, hein. Oui. Donc voilà, donc Francky Vincent donc essaye de lui donner des conseils, mais Vendetta, bah il a sa théorie. Hein, ça, c'est... Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait du bordel. Plus il y a de bordel, plus je fais de l'audimat et plus je vais gagner de l'argent. Ah bon, d'accord. Quoi ? Non, là c'est un jeu. Le respect, je l'ai qu'envers les gens qui me respectent dès le départ. Oh là là, putain, il a pas l'avoir beaucoup. Hein. Ça c'est sûr. Ah bah, a priori, pas dans la ferme. Hein. Ouais. Mais heureusement, donc il n'y a pas qu'avec Vendetta hein, qu'on peut s'embrouiller dans la ferme, évidemment. On peut aussi se prendre la tête avec les fermiers en chef. Hein. C'est comme dans la première ferme. Il y a ceux qui donnent les ordres et ceux qui exécutent. Et bien évidemment, comme personne n'est d'accord, ça donne ça. J'ai dit moi avec grand plaisir. Ça me fait mais très je plaisir. Pense que c'est un plaisir. Je dis pas si je me plante, je te plante pas. C'est comme des faveurs quand vous partez un safari. J'ai rien contre, je trouve ça très sympathique. Mais je te parle pas de cet après-midi, je te parle de tout le reste du temps. Quand je viens te chercher pour filer le vibroton. Farid, par exemple, ce matin, il me parle en disant j'aimerais donner le vibroton. Oui, bon. Évidemment, j'avoue qu'on comprend rien. Alors, heureusement, Brigitte Nielsen, donc, elle est là pour remettre de l'ordre. Et on voit tout de suite que c'est Rambo hein, qui lui a tout appris. Hein. Excuse me, maman. Viens. Non, je viens pas. Non, c'est qu'à... Oui, shut up. Oui. Voilà. S'il vous plaît. Une personne, elle a volte. Sinon, il y en a un capisco. Ouais, je vais vous fatiguer gros comme ça pour capir. Attends, il faut remettre tout. Attends, il faut remettre la main. Ah, au moins, là, c'est très clair. Ok, elle a calmé tout le monde, mais elle n'est pas très efficace. Après, elle ne maîtrise pas bien le français. Elle a fait une intervention internationale. Là. C'est vrai. C'était pour toutes les chaînes du monde. Attends. Excuse me, maman. Viens. Non, je ne viens pas. Français, on est déjà. Shut up. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une personne, elle a volte. Sinon, il y a un capisco. Sinon, il y a un capisco. Vous fatiguez gros comme ça pour capir. Fatiguez gros comme ça pour le capir. Et respecte à personne, voilà. S'il vous plaît. Ah, on se respecte. En gros, elle a dit... Personne par personne à la fin, je crois. Chacun son tour, ouais, voilà. Mais gueulez pas tous en même temps. Sinon, on va avoir une tête grosse comme ça et on va être crevé. Thank you, Sandra. Oh, la vache. Sandra, parle de Nielsen. Hein. Bah, j'ai l'avantage de parler la femme aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, dans la ferme, il n'y a pas que des engueulades. Il y a aussi de l'amour et de la philosophie. Enfin, c'est du David Charvet, quoi. Pour moi, l'Afrique a beaucoup changé des choses dans moi parce que c'est là où j'ai réalisé que... La vie, on peut être le plus riche, on peut être le plus beau, on peut être le plus intelligent. Ça veut rien dire quand on est en Afrique. Parce que c'est les animaux et la terre qui contrôlent à peu près tout. Oh c'est Jean-Claude, ça. Jean-Claude Van Damme. En tout cas, moi aussi, j'aimerais bien qu'il change des choses dans moi. Ah ouais. Tu veux qu'il te refasse l'intérieur? Quelle horreur. C'est Jean-Claude Van Damme, là. Hein. Oh, le mec qui galère, en plus. Non, mais ils ont emmené du shit, c'est pas possible. Eh, ils auraient mis David Charvet et Jean-Claude, là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Hein. Et comme par contre, la bœuf africaine... Apparemment, elle est pas mal. Elle pousse dans la nature, ils ont pas servir. Et pour finir, le conseil survie d'Adine Blondio. Donc, alors, quand vous êtes face à un éléphant et qu'il vous charge, vous feriez quoi, vous? Je cours vite. Ouais, ils ont eu des problèmes là avec le safari. Ouais. Ouais. Et ben pas Adeline apparemment. Elle lui parle. Non. Et si vous avez vraiment chargé, qu'est-ce que tu aurais fait, Adeline? Vous lui offrez un bisou. J'aurais fait un bisou sur la tête. Ah bon d'accord. Je t'en supplie, petit éléphant. Petit. Ne sois pas trop méchant. Tu crois que c'est Baba? Je crois que c'est Baba. Vas-y pour trouver la truffe d'un éléphant. Oh là. Un éléphant qui te charge, je pense qu'il faut courir. Oui, vas-y, casse-toi vite. Hein. Oui, parce que quand il commence à charger. C'est-à-dire qu'il s'arrête devant toi. Ouais, même s'il a l'air cool et qu'il a envie de te donner un petit coup de patte sur l'épaule. Ouais, ça fait mal. Non, voilà. Un éléphant qui charge, c'est pour attaquer. Hein. Oui, je sais. Non, mais je dis même quand il a envie d'être à la cool, qu'il a l'air gentil, qu'il veut te mettre un coup de patte sur l'épaule. Un coup de trompe alors. Fais attention. Non, t'as déjà vu sa patte, ça fait 15 fois ta main. Ouais, mais c'est gros. Hein, mais il y a des spécialistes des animaux, donc dis pas de conneries. Hein. Ouais, ben non, je suis pas spécialiste, c'est malade. C'est grand. Elle est surtout spécialiste des éléphants depuis qu'elle mange des crêpes. Elle était bonne la crêpe. Les gros mammifères, hein, je connais bien. Ouais. Elle était bonne la crêpe. Elle était délicieuse, mais je vous ai envoyé à tous un MMS. Bah, moi, j'ai pas vu. Hein. Bah alors. Bah non, c'est que tu m'as pas envoyé. Si, je t'ai envoyé. Ah bah, je l'ai envoyé à tout le monde. J'ai envoyé à tout le monde. Ah bah, alors, je suis un menteur. Oui. Bon, et puis pour finir avec les infos de la ferme, c'est Brigitte Nielsen, donc la première nominée de cette ferme 2010. Pourtant, on aurait pensé que ça allait être Vendetta. Bah, franchement, ouais. Mais... Vendetta, non, mais il va rester longtemps dans la ferme. C'est l'intérêt de l'émission, le gars. Même si tu l'aimes pas, tu le laisses dedans parce que tu aimes ne pas l'aimer. Ouais, mais c'est pas eux qui décident. C'est les mecs à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Ouais, et puis ouais, même. Et puis non, même. C'est pas les mecs à l'intérieur. Ah bon ? Mais si, ils votent entre eux et pour en nominer. Ils en oui, il sera nominé sûrement, mais ouais. Il sortira pas de suite, je pense. Non, ouais, à mon avis, j'ai aucun intérêt sinon de faire rentrer là-dedans. La prod s'en occupera. Mais moi, je l'ai vu samedi et il disait, mais c'est pas compliqué, il y a deux catégories de personnes dans cette maison. Il y a les winners et les losers. Moi, je vais rester avec les winners. Et comme je suis seul winner, je reste tout seul. Ah, il est parti aussi en safari. Quel trou du cul. Au contact des Zoulous, c'était juste un régal. Ah oui, c'est vrai, il est parti deux jours. Ça s'est bien passé, il a fermé sa gueule là. Je pense. Même pas, non. En fait, il leur a fait chanter à tous les Zoulous. Michael, Michael. Ouais. Quel idiot. Tout ça pour moi. Eh oui, ça c'est beau. Bon, alors on se met PH Electro maintenant avec San Francisco. Et puis on revient juste derrière. Restez là. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'air mix dance. Ouais. Enfin, ça faisait 3-4 mois quoi. Ouais. Un truc comme ça. À un moment, il y en a eu 17. Là, ils avaient tous repris des vieux trucs. Et puis là, ça revient. PH Electro, l'instant avec San Francisco sur NRJ. On se mettra Kesha tout à l'heure avec TikTok. On aura aussi du son rock US, bien entendu, et comme chaque soir. Et puis, on va reparler de paranormal maintenant. De merde. avec Stéphane qui est là, 22 ans. De la mode. Salut à toi, Steph. Bonjour, ça va bien ? Oui, ça va toujours bien, hein, comme depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, dis-nous, par rapport au paranormal, qu'est-ce que t'y crois, t'y crois pas, pourquoi, comment, bref, tout ça, quoi. Bah moi, j'y crois à 100%. Oui. À 100%, et ça m'a passé. Tu peux pas être à 100%. J'y crois un petit peu, franchement, un petit peu. Mais ça m'a passé depuis quelques temps, et des fois, je revois des personnes, comment dire, des morts, des personnes qui voient soit passer devant moi, des personnes qui sont mortes. Ouais. Et depuis ce temps-là, j'ai peur, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille à tout le monde. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Depuis le temps que j'ai perdu mon grand-père le 29. Le 29 quoi ? Février. Le mois dernier. Ah, l'année dernière ? Pas le mois dernier. Oui, on a compris que c'était pas le mois dernier, mais le mois dernier. Non, on n'était pas en février le mois dernier. C'est pas février, c'est le début février par là. Mais on est le 29 février du début. Enfin, c'est logique, les gars. C'est pas grave. Voilà, j'ai vu des personnes, je voyais des personnes revenir. Mais quel mois ? C'était n'importe, c'était en 2009 par là. D'accord. Et je voyais ces personnes et ça m'a fait peur. Je commençais à... On prenait pas en fou au début. Ah oui, ouais, bah ouais. On prenait pas en fou. Et après, je me suis dit, j'ai dit à mes parents que je voyais des personnes, des trucs comme ça. Et au bout de trois mois après, ça a passé, mais j'ai eu peur. Oui. Ouais, c'est normal. Oui, bah, c'est normal en même temps. C'est compréhensible. Ça fait flipper. Et comment ça vient, comment c'est venu, j'en sais rien. Et là, plus rien du tout. Et comment c'est parti ? Depuis quand ? Plus rien du tout. J'ai perdu une amie, j'ai perdu une personne que je m'entendais très bien avec elle. Ouais. Bah, c'était des amis à mes parents. Mmh. Et depuis ce moment-là, je la voyais tout le temps. C'est eux que tu voyais, en fait ? C'était des proches à toi ? Voilà, tout à fait, des proches à moi. Des personnes que je s'aimais même des personnes que je côtoyais à l'école, ils sont morts. Et ces personnes-là, je les tutoyais du matin au soir, quand j'allais à l'école. Mmh. Mais là, je les voyais tout le temps, je les voyais du matin au soir, mais... Mais c'est peut-être le choc émotionnel. Tout à fait, c'est peut-être le choc, mais j'ai eu peur, ça m'a... Ouais, c'est normal. Je peux vous dire, ça m'a fait peur. Mais t'as eu peur de quoi au juste ? Qui voyaient ? De ce que tu voyais, mais non, mais t'avais peur de te faire, j'en sais rien, moi, attaquer, enfin j'en sais rien. D'avoir des... J'entendais des voix, des... Ah, il te parlait ? Il me parlait. Il disait quoi ? C'était du paranormal, des trucs comme ça. Mmh. De faire des trucs que je ne voulais pas faire. C'était pendant ton sommeil ? Non, c'était pas dans mon sommeil, pendant la journée, tout le temps. Presque. Et toi, tu leur parlais ? Bah moi, je ne parlais pas. Je voyais comme ça, je les voyais, mais je n'étais pas... Ils disaient quoi, eux ? Bah, il me disait des mots que je peux dire de ce que je vais dire. Clu, clu, clu, clu, clu. voilà ce que devait tuer des personnes. Évidemment, et moi, je sais pas. De quoi voilà. Tu devais tuer des personnes. J'ai voilà, tout à fait. Il te demandait de tuer des personnes. Tout à fait. Et là, après, moi, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est mon charreau qui déconne. Et... Oui, bah oui, bah oui. Et je me suis dit, je veux pas faire des problèmes. Et les personnes qui te demandaient de tuer, c'était des gens que tu connaissais? Bah, c'était des personnes que ou je connaissais, ou des personnes qui sont mortes d'accident de voiture, ou des trucs comme ça. Non, non, non. Non, mais quand ils te disaient, voilà, il faudrait que tu tues cette personne, la personne qu'il fallait que tu tues, c'était quelqu'un que tu connaissais? Non. Non? Ah, c'était pas quelqu'un que tu connaissais? C'est pas la personne que je connaissais, mais la personne qui était décédée, je la connaissais. Oui, ça oui. D'accord. Et la personne qui fallait que... Voilà. Et t'as essayé d'aller voir un psychologue? Bah, si tu veux aller voir un psychologue, ce psychologue m'a donné des traitements, des trucs pour que j'arrête de penser à ça. Pour c'est parfait. De penser aux, des ophytoses, quoi. Ouais, des médicaments, mais pour endormir la partie pour pas ça, je pense à ce matin. Ouais. Mais pourquoi pour t'endormir? Pour endormir, je veux dire pour pas y penser. Oui, oui, oui, c'est parfait. Voilà. Des calmants, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais ça a pris, ça allait mieux après la fin, mais. Après la fin, oui, ça. Oui, ça a pris longtemps, quoi. Ça a pris longtemps pour aller mieux. Ouais, bah, ça fait longtemps que ça aille mieux là, quand même. Bah, oui, bah nous aussi. Là maintenant, maintenant ça va mieux depuis quelques temps, mais j'ai pas envie que ça revienne. Non, oui, t'as peur un peu de ça, bah, mais. Bah, nous non plus. Tu fais quoi dans la vie? Bah, dans la vie, je recherche du travail. Ah, bah, c'est bien. Dans quel domaine? La voyance. Bah, non, pas du tout. Là, je ferai pas de travail dedans. Non, il faut dans l'informatique. Dans l'informatique? Ouais. Floumatique. Dans l'informatique. T'as quoi comme diplôme? Très bien. Rien. D'accord. Ah, mais informatique, après, tu nais avec le talent d'informaticien ou quoi? Tout à fait. Tout après, à fait, tu peux. Mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est un don de gérer ça. Après, tu c'est peux. C'est pas un don, c'est une passion, quoi. Bah, c'est une passion, mais oui, voilà. Ça, ouais. Allez, ouais. Vers le rond, t'as pas la passion de la radio, bah ça s'entend. Et en plus, Et pourtant, j'ai un diplôme. Bah oui, mais tu vois, bah voilà. Et en plus, tu quoi, Stéphane? Et en plus, je j'aime bien la radio. Et je suis à fond à la radio. Je voulais tout du matin au soir. Ah bah c'est gentil. Le matin au soir, quand je me c'est lève d'énergie. C'est. Avant, j'écoutais Skyrock, mais Skyrock, c'était une radio, toi, je sais même pas. Oui, bah oui, c'était un radio, c'est pas terrible. Je sais pas comprendre. Et je pensais à la radio Énergie, c'était une radio super. Ah bah écoute, bah, c'est gentil, merci. Ouais. Et bon, puis, bah, si ça revient, reprends les médicaments, ça ira mieux. Et tiens, bah, c'est arrêté, là, je préfère pas en prendre. Ouais, non, mais vite, ouais, t'as raison. Non, mais oui. Ouais. Bon, ouais. Stéphane, merci à toi d'être passé. Je voulais vous demander autre chose. Vas-y. Je vous ai envoyé une lettre, c'était l'année dernière, 2009. Enfin, par là, quoi. Ouais, par là. Et j'ai rien reçu, je voulais recevoir des photos de. Mais on va t'envoyer ça directement, on va même te mettre un cadeau en prime. Tiens, on va t'envoyer ça, je te repasse Micha. Ok, pas de problème. Salut. Merci. Stéphane. Merci, au revoir. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao Stéphane. Ah bah ça nous a mis en retard ça. Pub et disque. Hop. Bouge pas. Teuf part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à varier. Et Michael revient juste après ça. Le son de Keisha à l'instant avec TikTok sur énergie. Je vous en supplie, si vous êtes médecin et que vous avez un tuyau, vous êtes tout près de du 22 rue Boileau dans le 16e à Paris, venez le foutre dans le cul du roux, quoi. C'est impossible ou on peut plus supporter ça. C'est un problème de c'est ce que je mange. Oui oui, bah, c'est peut-être ce que tu manges la même chose que sentons. Hein. Tu manges la même chose que les autres êtres humains. Non, déjà être humain pardon. Non, par exemple, déjà, si je mange du chou, c'est mort. Voilà, j'ai mangé du pourquoi chou. T'en manges? C'est ça, pourquoi t'en manges? Je te fais toi existe des aliments à bannir. Je te laisse jusqu'à vendredi, si vendredi ça va pas mieux, je me casse. Ouais, tu seras responsable monsieur. T'as raison, Mike, te laisse pas faire. Tu seras responsable de du départ. Non mais c'est relou. Et tu sais quoi? Je pars avec Michael. Non mais ouais, bah tu seras là tout seul si on veut de toi. Ouais, bon, c'est ouais. Non, on va sûrement pas de moi tout seul. Ah oui, mais... je te confirme. Toi aussi tu pars, si tu pètes encore jusqu'à vendredi, toi aussi tu non, pars avec nous. Si je pète, je reste là et là et s'il y a une prochaine et le équipe, prochain, je pète dans je pèterai dessus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, oui, c'est vrai. Non, je vais en mettre un. Cela dit, rassurez-vous, pour les fans de musique, ça arrive bientôt. Bon, Charles, le retour là, de Liège, là, qui est médium... Liste. Non, il est médium. Ah, il est médium tout court, oui, c'est vrai. Charles. Oui. Bon, alors, alors une question, parce que Ludivine, qui est au standard, est persuadée que je lui raconte des conneries, parce qu'elle voit un truc et je lui dis non. que je n'ai pas de demi-frère, je n'ai pas de frère, je n'ai rien de ce qui... Ah, si, peut-être caché, peut-être non, mais... un frère caché. Non mais attends, mais non, mais attends. Non, elle dit qu'elle a jamais dit ça, mais à côté de lui. Non mais c'est pas grave, c'est genre, mais c'est pas grave, tu veux pas me l'avouer. Alors, non, elle dit qu'il y a une personne en lien avec toi, alors comme toi tu sais pas de quoi elle parle, elle t'a proposé des... C'est ça, hein? Oui. Mais oui, mais je n'ai rien. T'as pas un frère ça. Ou un demi-frère non, bah, ou, non, bah, ou un non. Cousin non. Ou, par alliance. Non, mais même, je n'ai pas de. Ouais, de... Bah, après, Ludivine, ça va chercher loin, c'est plus trop crédible. Quoi. Voilà, et elle m'a dit on va chercher loin. Elle m'a dit que c'est un truc par rapport à mon enfance quand j'étais petit, machin. Il s'est rien passé. Alors, en même temps, quand on était petit, il s'est tous passé des choses dans notre enfance. Non, hein. Il y a un petit mélange là. Le jeune garçon n'a rien à voir avec ton truc dans l'enfance. C'est quelque chose distinct. Non mais dans les deux cas, j'ai eu une enfance épanouie, je n'ai pas eu de problème. Ah oui, t'as fait une mauvaise note un jour à la maternelle et tu l'as mal vécu et tu non, t'en rappelles pas. Tu cherches quelqu'un de jeune dans son entourage. Il y a jeune garçon près de lui. Enfin, quand je dis jeune, c'est un garçon qui est plus jeune que lui. Voilà, donc ça pourrait être qui ton... est proche de lui. Qui est plus jeune que moi. Voilà. Oui. Alors là. Si, il y a. Mais qui est proche. Je veux dire son prénom, Samuel. Qui est proche de toi dans le sens. Mais non. Je sais pas, mais voilà, comme proche, comme un frère. Ah non, mais non. Ah non, j'aime personne. Il a pas d'amis. Tu viens souvent de Belgique, là. C'est pas un meilleur ami que tu considères comme ton frère. Mais si, il est venu hier. Proche. Non, mais je t'assure, hier, c'était dimanche, Sandro. Ah bon, vendredi. J'ai mes sources. Il est plus vieux. D'accord, il a moins de 2 ans de plus. Attends, parce que nous, on comprend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce jeune garçon, enfin, avec ce garçon? Mais cette personne, il est pas mort, hein, il est vivant. Oui, non, il y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Donc. Bah, je peux le dire, Mickaël. Oui. De toute façon, moi, tout ce qu'il a dit depuis le début, il se passe rien. Non, mais vas-y. Non, mais si c'est un truc de gay, tu le dis pas. Mais il y a même. Non, comment tu veux qu'il y ait un truc de gay? Je touche à ça. Écoute, Mickaël n'est pas homosexuel. Voilà. Oui, mais il y a des garçons qui jouent à touche pipi à cet âge-là. En fait, ils ont fait quelque chose, ou ils sont en train de faire quelque chose, mais qui est très positif, point de vue professionnel. Ah, bah c'est moi! Ah, bah c'est vous! Le mec plus jeune, mais oui! On a failli le dire avant! Oui, voilà. Mais que je considère comme mon frère! Un non, puant comme ça là! Pas un frère, mais je suis proche! Par la force des choses, on est proche! Ah bon? Eh bien, c'est moi le jeune qui va t'apporter que du bonheur! Tu parles déjà, tu viens de m'apporter du malheur avec cette odeur là! Tu voyais pas une grosse ou. Non, une blonde! Ah, une blonde! Ah, bah très bien, Sandro! Ah! Non, même en cherchant! Vas-y, elle a un t-shirt jaune! Ouais! Elle le met sur la tronche, à la limite, ça peut vite se faire blonde! Oh là, parce qu'on est nouveau en train de parler, on s'étale, on s'étale! C'est surtout que Roux continue à péter! Non, j'ai pas pété! Non, mais c'est plus possible! Alors, il y en a un qui en profite, hein! Non, mais je le sens encore, mon truc, depuis tout à l'heure! C'est plus possible! Non, mais nous aussi, hein! Ouais! C'est plus possible! Il reste celui-là, il est. Charles! Et oui. Yes. Donc toi qui es médium comme Ludivine l'est aussi, et donc, alors, comment ça se passe si elle voit un truc qui n'existe pas en l'occurrence chez moi? Donc c'est qu'elle se trompe ou alors que j'ai perdu la mémoire? Mais non, c'est peut-être aussi que c'est inconsciemment, et donc forcément si c'est inconsciemment, donc ce qui est inconscient n'est pas conscient, donc forcément. On ne s'en rend pas compte. Mais attendez, effectivement, si c'est Roux, c'est pas d'être médium, c'est très facile déjà, voir que Roux est plus jeune que Mickaël. Et alors, autre chose, c'est pourquoi. Ouais. Pourquoi ça doit forcément être moi qui dans la conscience n'y pense pas, ne sait pas. Pourquoi ce problème viendrait de moi? Pourquoi, on a le meilleur candidat au niveau du paranormal, on a quand même Toff dans l'équipe. Oui, hein. Oui. Ah bah, pourquoi Ludivine et toi, c'est possible que vous vous trompiez? D'accord. Oui, c'est possible, mais il faut le demander à Ludivine. Mais Ludivine dit oui, déjà. Donc, oui, je suis pas Dieu, j'ai pas... voilà, moi, je dis juste ce que je ressens. Oui. Oh, c'est tout à fait possible que je me plante. Je viens vers toi pour voir ce qu'il ressent ou pas. Je veux pas faire ma chieuse, mais là... Bon, Là, t'es sûr de toi, quoi? À 80%, oui. Ouais, t'as sûr que tu fais pas une prédiction sur Ricky Martin, parce que comme il se ressemble... C'est ça. Mais non, Mario de la Starac. Non mais cela dit, dites-nous si vous avez déjà eu vous avez été voir un médium, un voyant, il vous a dit voilà, il va se passer quelque chose avec un mec ou avec une meuf de proche, mais que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a peut-être de ça. Moi j'ai été voir une meuf. Parce que là en l'occurrence, elle me parle de quelqu'un qui est censé être super proche de moi, mais. Moi j'ai été voir une meuf et ce qu'elle a dit est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Je crois toujours pas. Elle m'avait donné 2 ans, tu vas bosser dans le truc que tu veux. Par contre, tu vas devoir faire autre chose parce que tu vas écrire en plus et tu vas bouger dans plein de villes de France. C'est un truc qui va être long mais dense. Et ben c'est vrai. Mais elle a dit aussi que tu allais gagner ta race en oseille. Ah non, mais non, bah, non elle a dit non, tu gagneras pas spécialement bien ta vie. Et donc elle avait raison là-dessus. Ouais, ouais, bah oui, bah c'est sûr. Ouais. On est charlatan, quoi. Non, c'est vrai, je te jure, elle avait raison, mais j'y crois pas. Bon, bah en tout cas, Charles, merci à toi d'être passé. Mais de rien. Et puis tu plaisir. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Ben, c'est très bien gentil, c'est vraiment super sympa. Ici en Belgique, on est vraiment, vraiment fan aussi. Eh ben, et écoute, c'est gentil. Et je l'écoute, c'était vraiment une très belle émission et je l'ai. Mike, t'as appuyé là. Ah merde, putain, excusez-moi, je t'ai coupé la part. Allô? Ah voilà. Oui, oui, oui. Donc tu... c'est Michel qui l'a coupé? Non, c'est non, vas-y, dis-moi. Oui, donc ben voilà, en fait, tout simplement pour dire que c'est une super émission. Voilà. Ben, écoute, merci, c'est gentil. Eh ben, c'est gentil, Charles. Désolé, musique. Ah oui, mais enfin, j'ai pas le temps après, sinon. Tom Frager, give me that love. On mettra Lady Gaga, on aura aussi le JAV dans un petit instant. Et enfin, l'intro du JAV et puis le JAV après. Et puis on aura le mag aussi tout à l'heure. Le son de Tom Frager à l'instant, give me that love sur Énergie. On fera le JAV dans quelques instants. Et puis. Là, on doit faire l'expression du jour par contre. Hein? Là, on doit faire l'expression du jour. Oh là là là! Et t'as pas peur, toi? Quelle expression du jour? Mais non, mais je t'ai dit qu'on la ferait qu'une fois par semaine. Non, non, regarde, écoute bien. Oui, non, bah, non, non, non. Mal, on a oui, mais j'aimerais que Mickaël le fasse alors. Non, mec, tu vas le faire. Je le ferai tout le mois de février. Quoi? Tous les jours du mois de février. Oui, tous les jours des expressions du jour. Non, tous les jours. Attends, chut, tout le monde se tait, on réécoute. Non. Oui, mais j'aimerais que Mickaël le fasse alors. Non, mec, tu vas le faire. Je le ferai tout le mois de février. Quoi? Quel enfoiré celui-là! Non mais. T'as bien dit tout le mois de février! Oui, mais enfin c'est logique, c'est la manière. Tu vas pas. Quand tu sais qu'il y a un truc qui arrive une fois par semaine, tu vas pas préciser tous les jours où il y a l'expression du jour à ce moment-là, je le ferai le mois de. Non, tu dis, je le ferai le mois de février! Pourtant, quand tu signes des contrats, tu appuies bien sur chaque mot et chaque virgule, non? Quel mytho! Je signe pas de contrat, moi! Ouais, c'est ça! Je suis des décontrats. Ouais, décontractions. Voilà. Non, mais voilà. De toute façon, c'était quoi ton expression du jour que tu voulais faire? Ah, je sais pas, mais. Tu vois? Ah, le mec, t'avais rien prévu. Si, j'avais prévu. Ah oui, je vois ça, ouais. Il y avait cassé les couilles qu'on devait refaire. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi il fallait refaire? Pourquoi il fallait faire que du neuf? Parce que. Mais merde, Roux, putain! J'ai pas pété! Mais c'est quoi alors cette odeur? Bah, c'est latent, c'est là. Ouais, c'est latent, ouais, c'est ça. C'est l'esprit. C'est horrible. Voilà, ben, respirer l'épée du roux, ça sera l'expression d'aujourd'hui. Bah, ça y est, il a déjà fait alors. T'as un pet au casque. On va faire ça, tu vas mettre un casque et je vais te péter dessus. Ah, mais c'est drôle ça. Hein, bah, on verra, ça va pas te faire rire. C'est ça, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Bon, on va chercher un casque. Mais même pas en rêve, arrêtez un peu. Bon, il y a Christian qui est là maintenant. Salut Christian. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça se passe, ça va bien. Bon, bah, écoute, tant mieux, hein, Christian. On va faire un petit JAV dans quelques instants. Ouais. Bon, comment ça va se passer? Peut-on déjà prendre un peu d'avance? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Explique-nous un petit peu tout ça. J'ai fait un petit plan, en fait. C'est en fait, j'étudie l'économie. Ouais. Mm-hmm. En fait, on a... Je veux dire à ma mère, en fait, qu'on a eu un cours sur où on devait, faire la différence entre les vrais et les faux billets. Ouais. Donc, les billets ont disparu en fait. Et d'accord. Tout le monde t'a accusé? Ouais, tout le monde m'accuse quoi. Et voilà. Tu vas lui avouer que c'est vrai? Et je vais lui avouer que non, que c'est faux. Ah oui, mais elle risque de pas s'énerver. Enfin, ah bah elle va pas s'énerver alors du coup. Bah si, peut-être elle va s'énerver. Si, elle va s'énerver parce qu'il est au comico et qu'il a rien fait. Ouais, ah. Mais c'est, je pense qu'elle s'énervera plus si tu lui dis que tu l'as vraiment fait. Non, en fait, ce que je voulais, c'était que Mickaël, que vous dites que vous êtes la police et que vous avez des preuves que c'est moi et que moi je. Ah oui, toi tu vas nier, d'accord, dans un premier temps. Seulement dans un premier temps. Par contre, comme t'appelles de Hans, y a plus de chances, à mon avis, que le commissaire principal. Bah non, que le commissaire principal soit Toff ou Jack par rapport à l'accent liégeois. Ah, Hans, comme ça. Hans, ANS en Belgique. Oui, on avait rien compris. Oui, à dire. En fait, c'est pas possible que je sois au commissariat de Hans. En fait, ce serait mieux que de dire que je suis à celui de Louvain, vu que je suis prête là-bas et que en ce moment je suis là. T'as à celui de Louvain. Attends, tu quoi là-bas? Je cote. Oui, alors ça veut dire que. Ah, j'ai cru qu'il avait dit je squatte là-bas. Mais non, côté, ça veut dire c'est pareil, c'est pareil. C'est quand t'es étudiant, t'as un petit studio, enfin tu t'habites. D'accord. Voilà, c'est un petit studio. Ou alors tu peux coter avec d'autres mecs ou d'autres meufs. Coloc. Là, tu fais une coloc. Non. D'accord. Non. Tu fais cocoteur. Tu n'as rien compris encore. Non, mais je réexplique. Tu fais quoi? J'explique à ces connards de français. Je n'ai rien à rien. Mon cocoteur, c'est mon colocataire. Mon cocoteur. Ah, donc quand tu dis je cocote. Ouais. C'est nous en France. Nous on dit que c'est l'épée du roux, il cocote quoi. Ah ouais, ah bah il pue. Non. Ah, non, nous, on cocotte, on habite en colocation. Voilà. On cocotte, hein. Bon, on dit colocation aussi, hein, cela dit. Hein, oui, c'est mieux d'ailleurs quand vous le dites. Bah, pas forcément, hein. Voilà, on préfère, nous. Voilà, regarde, là, je cocotte avec Sandro. Ah, c'est horrible. J'ai l'impression, là, pour moi, t'as dit c'est sale, Sandro c'est et moi, on pue. Ah non, pas du tout. Bon, Christian, on fait ça dans un instant, tu restes là? Ok, ça va, pas de problème. Allez, bouge pas de là, Christian. On va prendre Maxime aussi par rapport au paranormal. Et puis, on va se mettre un petit peu de son. Bah oui, ça faisait longtemps. Avec, qu'est-ce qu'on va se mettre? Lady Gaga, Bad Romance. Bouge pas. On va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Lady Gaga à l'instant, c'était Bad Romance. On aura Muse aussi dans quelques secondes avec Uprising. Il y aura le Mac du jour et puis on va faire le GAV maintenant immédiatement avec Christian à propos de faux billets. Parfait, nous sommes donc à Louvain-la-Neuve et donc Christian fait quoi, Roux? Il cacote. Non, oui, ouais. Ah ouais, c'est ce qu'il en dit. Hein. Il colloque. Non, il cocotte. Non, il cocotte. En français, il colloque. Il cocotte. Il est en colloque. Il cocotte. Ça veut dire il cocotte en belge. Je n'en ai ni des français, moi. Hein? Non, c'est pas ça. Alors, même l'année, dit. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, je m'en fous. Je m'en fous. Non, il y avait un truc, il y avait une expression. Liégeoise, non? Liégeoise, non. Non. Ah non, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je m'en fous. Je n'ai ni. Non? Non, néni, ça veut dire non? J'ai nain, je ne sais nain, ça veut dire. Ah, je ne sais nain. Je ne sais pas. D'accord. Mais c'est en wallon, c'est pas en liégeoise. Je ne sais nain. Voilà. Mais c'est pas pareil, mais tu vas t'y faire. Non. Jamais. Je me ferai jamais au belge. Il y a trop de dialectes. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Des dialectes différents. Des langages de village. Bon, Christian, on y va, on appelle ta mère donc sur le. Ta mère. Sur le. Bah, c'est deux portables. Lequel? N'importe quel. Enfin, je pense qu'elle est valable sur les deux. D'accord, okay. Bah, écoute, on a deux portables. Non, bah, c'est parfait. Bon, bah, on y va, Christian, donc on est au commissariat de Louvain-la-Neuve, ok? Ok, ça va. C'est Louvain ou Louvain-la-Neuve? Et Louvain-la-Neuve. D'accord, ok, parfait. Ah oui, parce que sinon, si c'est Louvain, il parle comme ça, alors. Oui, bah, ah, justement, Louvain, c'est pour ça. Bon, on y va, Christian. Pas du pareil, hein. Allez. C'est pas du pareil avec le même. Hein. Allez. Allô. Oh, allô. Oui. Oh, allô, maman. Oui. C'est Chris, en fait. Oui. Ouais, en fait, je t'appelle parce que j'ai un petit problème, en fait. Tu vois, en fait, on a recommencé aujourd'hui et j'avais... Tantôt, j'ai eu cours d'économie, tu vois. Et en fait, au cours, le prof a amené des faux billets. Des faux billets, Enfin, de l'argent, quoi. Tu vois, il a amené des faux billets. Et à un moment, il est sorti du cours. Et il y a des élèves qui ont pris... parce qu'il avait aussi des vrais billets. Et les élèves les ont pris, tu vois. Et en fait, le prof, il n'est pas remarqué. Et quand il est revenu après, on était déjà parti. Il s'est rendu compte que ses billets avaient disparu et il a appelé la police pour tous les élèves. Et ça fait que la police est venue et là, je suis au poste, en fait. Et voilà. Et vu que j'ai pas de carte, là, ils me retiennent. Bon, excusez-moi, vous n'allez pas raconter votre vie toute la soirée? Ta carte, elle est où? Ben justement, je l'avais oubliée, et voilà, et là, je suis au poste, en fait. Tu l'as oubliée où? Je l'ai laissée au cote. Mais tu l'as redit, hein? Mais faut que tu viennes me chercher, maman, sinon je vais... Bon, ils vont me garder au poste. Envoie-moi l'adresse par message, bon, ça va? Bon, jeune homme. Allô, monsieur? Vous êtes avec qui au téléphone? Je suis sa maman. Ah, allô? Oui, madame, monsieur. Allô? Oui, il peut m'envoyer l'adresse par SMS, comme ça je vais venir là-bas. Oui, mais alors, l'histoire des faux billets, alors, comment ça se passe? Quel faux billet? Ah bah, il a été pris avec des faux billets sur lui, hein. Ben non, parce qu'il a dit que c'était à l'école. Non. Oui, non. Quel faux billet? Oui, non, les faux billets qu'il avait sur lui, là. Bon, qu'il m'envoie un peu l'adresse, il veut venir sur place. Alors, on a confisqué son GSM, hein. Mais qu'il m'envoie l'adresse? Non, on lui a confisqué son GSM. Mais envoie-moi l'adresse, comme ça je vais venir, je suis sa maman. Oui, non, j'ai compris, mais on peut pas l'envoyer par SMS. Bon, donnez-moi l'adresse alors, monsieur. Ça, je peux pas non plus, hein. Mais comment, qu'est-ce que je dois faire pour que c'est mon fils? Bah, faut faire un virement bancaire pour qu'on puisse se libérer, hein. De combien? Il a pris combien? Est-ce qu'il a volé? Ah bah, il a pas volé, il les a fait... Oui, c'est à peu près la même chose, hein. Donc, il a fait faire de faux billets. Il a fait faire des faux billets, où? Ah oui. Ah bah, ou je ne sais pas, dans votre cave peut-être, je ne sais pas moi. Bon, donne-moi l'adresse, messieurs, je vais venir sur place cette nuit. Non, mais ça, je peux pas vous donner l'adresse, madame. Mais vous êtes où, là? C'est à Louvain. On est à Louvain-la-Neuve, oui. Mais donne-moi l'adresse, s'il vous plaît. C'est ça, maman. Oui, mais ça, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pourquoi? Bon, attendez, écoutez, il y a son avocat commis d'office qui est arrivé. Je vais vous le passer pendant ce temps-là. Je vais l'interroger. Hein. Maître, il vous passe la mère de l'accusé. Oui, allô? Oui, monsieur. Bonsoir, maître dans le Peters. Pardon? Maître Peters. Peter, oui. Non, Peters, avec une S, madame, dans le fin. Peters, oui. Oui, voilà. Je suis l'avocat d'office commis. Hein? Je suis normalement le barreau d'Antwerp, mais j'ai perdu le route, alors je suis Louvain-le-Nouvel. Bon, ton fils, il est dans le merde, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pour ce qu'il a dit, ça s'est passé à l'école, c'était tous les élèves qu'on a arrêtés. Ah non, madame, c'est que de lui hein, qu'on a fait l'arrêt. Non, donne-moi alors l'adresse, je vais venir sur place. Moi, je connais pas l'adresse, hein, madame, moi, j'ai par hasard ici, alors maintenant, je suis là. Bon, vous me passez mon fils, je vais prendre juste l'adresse, s'il vous plaît. Mais oui, madame, mais là, pour le moment... Il faut qu'elle nous dise un peu qu'elle crache le morceau, qu'on dit. Hein. Oui, oui, le monsieur du police, il veut savoir si c'est dans ton cave qu'il fait le faux billet. Quelle cave? Le cave de ton maison, hein, madame. Ah non, on ne fait pas de faux billets ici, nous, hein. Mais alors, comment donc que ça se fait que le fiston, il est avec des faux billets? Oui, c'est ça. Non, on ne fait pas de faux billets, messieurs, je confirme. Mon fils, il n'a rien fait. Tu sais pas ce que ton fils, il fait en cachette. Oui, hein, il a raison, hein, madame, tu sais pas ce que ton fils, il fait, hein. Il y en a parfois. Autre, hein. Mon fils, il ne fait pas des choses en cachette, messieurs. Donne-moi l'adresse, il va venir sur place, s'il vous plaît. Oui, qu'elle nous donne son adresse à elle, parce que je pense que la cave avec les billets. Oui, on va faire la perquisition. Oui, madame, il veut faire une perquisition dans ton chez-toi. Allô? Oui, monsieur. Oui, le chef, il veut faire une perquisition dans ton chez-toi. Mais pourquoi vous ne voulez pas me donner votre adresse, alors? Il y a 8 machines pour faire les faux billets. Allô, madame? 8 machines. Mais moi, je vous donne l'adresse, vous venez même cette nuit, il n'y a rien. Oui, alors... Même cette nuit, vous pouvez... Oh, allô, madame? Oui. Oui, le chef, il veut faire la perquisition dans ton chez-toi. Mais vous pouvez venir chez moi, j'habite à Ange. Il y a 8 machines. Non mais écoutez, madame. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vous voulez qu'on vienne à Anse? Vous imaginez qu'on a que ça à faire? Oui, vous pouvez venir à Anse, je vous attends. Non mais vous payez l'essence, hein, parce que vu le trajet qu'il faut faire, nous on vient pas gratuitement. Hein. Parce qu'on a retrouvé 70 faux billets. Donc, et si vous pouvez venir, je vous attends. Avec 8 machines. Vous pouvez venir, je vous attends. Donc parce qu'on a, on avait trouvé 70 billets de 100. De 90 des billets de 90 euros, c'est pour ça que... Monsieur, je vous attends, vous pouvez venir ici, je vous attends. Ça n'existe pas, les billets de 90 euros. Ah oui, non, ça c'est du faux, c'est sûr. Ah, hein. Oui, ça tu peux pas dû avoir, nous. Hein. Bon, mais Christian, mais quelle idée de faire des billets de 90? Il a des pièces de 3, apparemment. Non, c'est vraiment un circulaire, celui-là. Hein. Bon, Christian. Allô, Christian, maman. Bon, je peux pas... Oui, maman, en fait, maman, faut que tu viennes, hein, parce que là, ils sont... Mais on me donne pas l'adresse, Christian. Mais tu sais pas trouver l'adresse, parce que là ils sont bizarres, ils sont en train de, ils boivent là et tout, et ils veulent que je boive aussi. Non, je veux pas boire avec eux. C'est de la bière. Et maman, ils m'ont donné des coups et tout, tu vois. Arrête, on t'a donné des coups. C'était juste une petite claque dans le dos, hein. Bah ouais, c'était pour remettre les scènes en place. Vous pouvez pas nous frapper, monsieur. Mais on frappe pas. Vous pouvez pas frapper mon fils, même si je sais pas que c'est soi. Mais te forge pas, hein, t'es pas là, tu sais pas de quoi on parle. Il a arrêté qu'il savait des faux billets, il est à la poste à Louvain. Non, pas à la qu'est-ce poste, qu'il a fait, moi. Poste à la poste. Alors ils ne veulent pas me donner l'adresse pour que j'aille le chercher. D'accord. Mais enfin bon, écoute. Christian, la poste, c'est pour tout près de ton école? Oui, c'est pas très très loin. Oui, moi je vais venir là-bas. Non, mais vous vous déplacez pas, maman, hein, c'est pas la peine. Hein. Oui, parce que... On est bien, il y a l'avocat, tout va bien, vous rassurez-vous. Mais non, moi je vais voir mon fils, monsieur, c'est pas possible que bon, vous. Alors d'accord. Alors d'accord, mais. Mais voilà, tu pouvais frapper comme ça la nuit. On ne frappe pas. Mais pourquoi t'as dit ça, Christian? Oui, putain. Tu ne frappe pas. Tu nous as tout fait. Tu vas frapper mon fils, monsieur. On l'a pas frappé. On frappe pas. Ah, sauf là. Ouais, enfin bon, là pardon. Il l'a mérité. Bon, Chantal. Calme-toi toi-même. Hein. Allô. Donnez-moi l'adresse, je vais venir là-bas. Oui, alors une seconde. Plaît. Christian. Démerde-toi avec ta mère. Christian. Oui. Bon, dis à ta maman. Allô, maman. Oui. Bobo. En fait, c'était une blague à maman. T'es à la radio. C'était quoi? C'est une blague. C'est sur l'énergie. Pourquoi tu fais des blagues comme ça, Christian? Hein? Pour gagner des cadeaux. C'est ça la dernière fois. Tu as compris? Hein? Ouais, c'est ça la dernière fois de me faire des blagues comme ça. Bah ça va, ok, c'est la dernière fois. Allô? C'est quoi ce délire là? Bon, qui est-ce? C'est mon frère. Ah, c'est le frère. Très bien, le frère prend le téléphone et tout, il a la colle. Oh, mais tu crèpes. Elle n'a rien, mais t'as un frère. T'as un frère. Arrête de me couper. La daronne va mourir ici. Non, mais ça va bien se passer, Bon, Christian. Calme-la. Christian. Ouais. On va te filer une console Nintendo Wii avec un jeu. Ah, d'accord, ok, merci. Et sa gueule, et sa gueule. Bon, et puis. C'est normal, hein. Amusez-vous bien, hein. Bon allô, courage. Michel. Oui. Je peux pas filer aussi un petit truc à ma mère pour. Bah, je suis en train de regarder, mais bon, 46 ans, malheureusement, je n'ai pas de. On n'a pas de déambulateur. Écoute, Micha va s'arranger. Okay, ah, mais là, oui, ta mère, elle peut jouer à la Wii. Ah oui, elle peut jouer à la Wii, ouais. Non, je pense qu'elle va péter ma manette, en fait, elle joue à la Wii. Il n'y a pas de phobie, elle dit oui. Elle va péter la manette. Elle est encore derrière avec les phobies. Surtout qu'il va revenir avec la Wii. Mais oui, t'as acheté qu'il faut billets. Ça va être la guerre. Bon, salut tous les deux, à bientôt. Salut, à Michel. Allez, ouais. Je peux juste faire une petite dédicace? Bah, personne t'entend en Belgique, malheureusement, mais vas-y, ouais. Ouais, c'est vrai en fait. je vais dire, enfin, juste un petit bonjour à tous ceux qui écoutent sur le net ou quoi. Et très bien. De Louvain-la-Neuve, voilà. Eh ben, on les embrasse aussi, il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus sur amical.fm. Salut à toi, Christian, à bientôt. À toi, Michel. Ciao, bye bye. Et puis reste au standard surtout. On va se mettre news maintenant avec Uprising. Et puis juste derrière, on se fait bien évidemment, et comme tous les soirs aux alentours de 23h05, le Mac du soir. Du jour et du soir. Ça a fait du jour. C'était le son de news à l'instant. Uprising sur Énergie. 21h minuit, on est là comme tous les soirs. Et puis, on va passer au Mac du jour maintenant. Un tour d'horizon de l'actu, condensé, revu à notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre de l'actu. C'est plutôt des thématiques qu'on va aborder ce soir. Dérapage politique. Ouais, c'est la nouvelle mode en France. Oui, c'est vrai. Et le premier ce week-end, c'était Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon, qui a déclaré au sujet de Laurent Fabius, il a une tête pas très catholique, pas de chance, Fabius est juif, donc ça coince. Ouais, en même temps, c'est une expression, hein. Avoir un air pas catholique, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est comme l'expression être une tête de turc, quoi. Ouais, ou l'expression aussi travailler comme un nègre. Ouais, bah, enfin, vu les chiffres du chômage, il n'est pas prêt de l'employer, hein, cette expression Georges Frêche. Et puis, dans notre thématique dérapage verbal, on a le maire UMP de Franconville, Francis Delattre, aussi, qui a fait sa boulette. Lors d'un discours, il s'est amusé du nom du premier secrétaire du PS à Villiers-le-Bel, Alice Soumaré, en disant « Alice Soumaré, j'ai cru que c'était un joueur de l'équipe réserve du PSG ». Ah oui, genre sous-entendu que les Blacks ne sont bons qu'à jouer au foot, quoi. Non, sous-entendu que le Parti Socialiste, c'est des losers qui gagnent plus un match depuis Belle Lurette. C'est bon, ça sent drôle. Bon, autre thématique de ce soir, automobile. Le prix des péages en France ont augmenté de 0,5% ce matin. Et quand on voit que les ventes de voitures au mois de janvier sont en progression également, on se dit qu'ils vont toucher le pactole en 2010. Ouais, mais c'est pas un petit chiffre, c'est un chiffre de ouf. Renault, ils sont fait plus 50% et Peugeot un petit peu moins. Oui, malheureusement Peugeot, le peu de voitures qu'ils vendent, ils doivent les rappeler à cause d'une défaillance, comme avec Toyota. Ouais, ça fait peur en plus, quoi. C'est carrément la pédale d'accélérateur qui reste coincée. C'est dingue quand même. Ouais, d'ailleurs, il y a Georges Fraisse, hein, il s'est régalé, il s'est exprimé sur le sujet, il a dit il y en a plein de cul de ces pédales de merde. Sans transition avec Georges Fraisse, on passe maintenant au con du jour avec Jack. Ouais, ça se passe au pays de Galles. Bon, alors déjà, il faut être con pour appeler un pays par un nom de maladie. Ouais. Mais bon, la France de peste. c'est pas le propos. Mais cons sont, sont certains habitants de ce pays, des Gallois donc, hein. Ouais. Même si, pour le coup, on pourrait les appeler des galeux. Des galeux. Mais bon, c'est pas le propos. Oui, bah alors justement, c'est quoi le propos? Eh bien, figure-toi que la plus grande chaîne de supermarchés du pays a pris une décision inédite concernant la tenue vestimentaire de ses clients, carrément. Alors, on pourrait comprendre qu'un supermarché interdise aux hommes d'entrer torse nu ou pieds nus. On peut, à la limite... En maillot de bain aussi. Voilà, on peut comprendre qu'ils interdisent le short, les sous-vêtements, tout ça. Bon, parce que ça arrive que des gens se promènent dans ce genre de tenue en rue. Ouais. Mais là, le supermarché ou les supermarchés sont obligés d'interdire l'accès aux gens en pyjama. En pyjama ? Parce que oui, au Pays de Galles, les gens sortent dans la rue en pyjama. D'ailleurs, il y a même un groupe Facebook qui a été créé contre le port du pyjama en rue. Si encore les filles sortent en nuisette, mais en pyjama, c'est chaud quand même. Enfin bon. Ouais, mais ça, c'est les gens qui vont juste chercher leurs baguettes en se levant le matin. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, même. Bon, bah, merci pour ce cours du jour, qui on passe. Maintenant, sport. Et c'est aussi une thématique. Le thème, c'est les sports dont on ne parle jamais, mais comme les Français gagnent, on en parle. Handball, la France est la meilleure équipe de handball que la Terre n'ait jamais connue. Champion du monde, champion olympique et champion d'Europe. Et effectivement, ouais, les experts, hein, c'est leur surnom, ont battu la Croatie hier avec notamment 6 buts de Karabatic. C'est rare, 6 buts contre 100 camps au handball. Mais non, Sandro, il est français, Karabatic, pas croate. Ah oui, ouais, c'est vrai que le nom porte à croire. Hein, mais, pas bon. Mais il est croate, hein, de... Serbe. De nationalité. Je crois qu'il est croate. Ah bah ça doit y faire mal. Non, non, non, je crois que c'est... Bon, et cet après-midi à Paris, une foule attendait les experts sur les Champs-Élysées. Hein. Ah, n'empêche, c'est fort de donner des surnoms de séries de télé à une équipe. Oui. Ouais, ça peut être sympa pour le foot aussi. Ouais, le premier qui dit l'os pour le PSG, je le dérouille. Non, j'aurais plutôt dit FBI porté disparu. Oh, c'est pareil. Et on continue la avec un... maison dans la prairie. Et on continue avec un autre Français qui gagne. Il s'agit d'un cheval. Son nom est Oyonnax. Et c'est lui qui a remporté le prix d'Amérique qui se courait hier à Vincennes. Ouais, le prix d'Amérique à Vincennes. Ouais, c'est comme le Paris-Dakar en Argentine, quoi. Voilà. Et ce cheval était coté 172 contre 1. Autrement dit, personne ne le voyait gagner. Ouais, un peu comme Domenech, quoi. Ouais, et c'est surtout celui qui a misé 1 euro sur le cheval, il est parti avec 172 euros. Wow, 1 euro et tu repars avec 172? Ouais. Je vais faire ça, moi. Ça rapporte les courses de chevaux. Ouais, mais Sandra, tu connais rien. C'est pas grave, moi je viens avec toi. Ouais, moi aussi. Non, mais attends, vous trois dans un PMU? Moi je dis le tiercé gagnant, c'est Sandro, Jack, Roux. Ouais. Mais de quoi tu parles? Bah, du Grand Prix de la bière au comptoir du PMU. Bon, allez, ce mic du jour touche à sa fin. On va pouvoir jouer maintenant au quiz. Quiz. Destination. Alors, Sandro. C'était pour mettre l'ambiance. Ah bon, pump it up. Bon, et à votre avis, qui a dit il faut être à la fois musicien et businessman pour s'en sortir? 50 Cent. Non. P. Diddy. Non. Musicien et businessman. Français ou américain? Ricain. Il faut être à la fois business. Jay-Z, bonne réponse. Ah putain. Bah oui, c'est pas étonnant. Ouais. Qui a dit ma plus grosse folie a été d'acheter un canapé? C'est pas Sandro. C'est ça. Ah merde, attends. Un indice, on va pas t'attendre. Hein, c'est un mec qui est censé avoir gagné beaucoup d'argent, mais au final il en a pas gagné tant que ça, donc il a perdu. Donc il a acheté un canapé. Est-ce que tu invites tous ceux qui le veulent sur ton canapé? Grégoire, voilà. Et enfin 3, je me suis fait vacciner contre la rage. Si j'avais pu me faire vacciner contre tout, je l'aurais fait. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est l'humain. Arthur. Non. Je vais répéter. Un indice peut-être. Malheureusement, le vaccin anti-Michael Vendetta n'existe pas. Grégory Basso. Non. Adeline. Anti-Vincent. Adeline Blondio. Bonne réponse, Duro. Merci beaucoup. Ah oui, mais t'as pas dit tout le nom. Oui, mais on sait très bien que je parlais de la même. Il y a une Adeline dans la ferme. C'est comme si tu fais un quiz. C'est pas grave, dès qu'il va pouvoir t'enculer pour aller à un match, il va t'enculer. Ça. Mais vas-y, donne-lui. Il aura plus l'occasion. Tu vas regretter. Non, je te dis qu'il aura plus l'occasion. Rappelle-toi tout ce qu'il t'a fait pendant 6 ans. C'est terminé. Non, mais Sandro, c'est comme si la réponse est énergie, tu dis N. Non, mais c'est pas grave, je m'en fous de toute façon. C'est pareil. Non, mais je m'en fous. C'est comme si c'est une crêpe, tu dis creux. Eh ben voilà, c'est pareil. C'est la même chose. Bon, fin du mec du jour, un autre mec du jour, un autre jour. Je pense que le roux a une petite précision sur Nicolas Karabatic. Non mais t'avais raison, il est né en Serbie, mais il est français. Et son père est d'origine croate et sa mère est serbe. Voilà, démerdez-vous. Parfait. Bah, surtout lui, ça a dû être dur. Non, en fait, il est d'origine croate par son père et d'origine serbe par sa mère. Black en même temps, il est pas totalement d'origine serbe puisqu'il est né en Serbie. Ce sera parfait, on va s'écouter mais ça maintenant. Mais il est français. On mettra un petit peu son rock US et également tout à l'heure. Ça dépend de ses grands-parents. Oui, ça aussi. Ah, je vais chercher. C'est comique que ça fasse pas de musique là, par exemple. Oui, c'est bizarre. Ça tourne, mais ça ne fait pas je de musique. Je me faisais la même réflexion. Ah, il y a pas de musique là. Ah là, il y a pas. Ah si, tout au fond. Si, il y en a très loin. Ah, mais c'est pas possible, par contre. Bah, c'est cool, ça. Bah, quelqu'un cherche à nous saboter. Non, mais c'est pas grave, mais autre chose, alors, s'il marche pas, lui. Ça va aller. C'est bon ? Ah, bah, non, ça marche. Attends, on fait nos tests ou pas ? Bah, vas-y, non, on n'a pas le temps. À l'époque, on aurait pu faire nos tests, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Deux secondes, c'est pour être sûr. Bah, ça marche, là. Improbable, voilà. Bah, voilà, bon, bah, ça fonctionne. Merci Windows. Voilà le son à l'instant des Black Eyed Peas avec Rock That Body sur Energy. Et puis nous allons continuer à parler de paranormal avec Maxime qui est là maintenant. Maxime de Saint-Germain-des-Fosses dans le 03. Salut Max. Salut. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va, tranquille. Bon, on en parlait tout à l'heure depuis tout à l'heure hein, du paranormal par rapport à la maison là dans le nord de la France qui est soi-disant la maison qui fait le plus peur, qui tue le plus de gens si tu les écoutes hein. Les gens sont pendus, les accidents qui arrivent devant. C'est clair. Et Pablo, attends, juste une question. Qu'est-ce que vous faites là à 23h15 comme à chaque fois qu'il y a le question pour une réponse? Non, il est venu pour me craquer le dos. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Craque le cul. Il y a de la triche encore. Il y a de la triche encore. Ouais, tu vas voir, il va lui craquer le dos et il va faire. Ah non, Jay-Z, Rihanna. On veut entendre. Excuse-nous, Maxime. C'est pas grave. Mais non, mais t'es pas passé là. Ah ouais, il va pas craquer le dos. L'ostéopathie en direct. Ah, voilà, merci. Ah oui. Bah, vous pouvez monter, Pablo. J'ai entendu. Non, remonte. J'ai mes devoirs à faire. Non, tu vas donner les réponses pour qu'il va tout. Dehors, tu lui parleras après. C'est grave, Mike, c'est grave. Donne-moi de l'argent alors. Sors. Donne-moi de l'argent. À la fin du mois. C'est mauvais pour ce que t'as. Va t'en donner. C'était hier. T'es maigre, c'est ça, ouais. Allez hop, dehors. Ouais, l'autre mois. Putain. Bah, attends déjà ceux du mois dernier. Ouais. Bon, Maxime. Alors, paranormal, vas-y, on t'écoute. Bah voilà, en fait, j'habite chez mes parents. Et il y a 2-3 ans, ils ont acheté une maison. C'était une ancienne boucherie, en fait. Oh. Ah oui. Et bah. Entendez des bruits de vaches. Et quoi? Non, c'est pas ça. En fait, c'est que depuis qu'on y habite, ça fait à peu près 2-3 mois, là. En fait, toutes les nuits, il y a un bruit qui est vers à 2h30 à peu près du matin. Ça fait bizarre. Un gros boom, quoi. Il y a un gros boom à 2h du matin toutes les nuits. Ouais, toutes les nuits, quoi. Il n'y a pas une boîte à côté de chez toi? Non, il n'y a rien. Mais c'est peut-être un disjoncteur qui se met en place, un truc. Ouais, c'est sûr que c'est ça même. Ou des mecs qui sont en train de braquer la banque à côté. Tous les jours à 2h30. Non, parce que tu sais... Moi, il y a un truc qui arrivait à chaque fois qu'il pleuvait quand j'étais petit. Il y avait de l'eau. Ah, ouais, ça arrive souvent. Ah, on y arrive. Non, quand j'étais petit, en fait, il y avait ils avaient mis une espèce de ma chambre donnait sur il y avait le mur et derrière ce mur, c'était juste c'était un terrain quoi, tu vois, il y avait pas de maison collée ni rien. Mmh. Et pour éviter l'humidité, ils avaient mis un morceau de haut en bas, ils avaient mis une espèce de plaque, comment on appelle ça, c'est une espèce de tôle ondulée. Ouais, voilà, de la tôle ondulée. Non, de la tôle ondulée, tu sais, qui est ondulée. Ouais, ouais. C'est de la tôle ondulée. Voilà, ouais. Et quand il pleuvait, mais à l'époque, je savais pas, je m'en suis rendu compte après, j'entendais des bruits de chat qui marchaient, parce que ça faisait... Bah ouais. Et j'étais persuadé qu'il y avait un chat, or je n'avais pas de chat. Et donc du coup, ça m'a pas perturbé, mais oui, parce qu'il faut avoir peur d'un chat quand même. Mais non, mais je me. Non, mais oui, c'est pas tu ça. Tu flippes. Non, mais j'ai pas peur d'un chat. Et quand j'ai pas de chat, pourquoi il y a le bruit d'un chat? Bah, parce que t'as un terrain et qu'il y a des chats sauvages. Mais non, mais je l'ai entendu dans la pièce. Ah, dans la pièce. Bah oui. Ah oui. Et donc du coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, je me demandais jusqu'à ce que je le demande à mon père. Je dis, attends, mais j'entends un chat, je suis quand même pas fou. Il me dit, il rentre dans la chambre, il dit, bah oui. C'est l'eau qui glette. C'est l'eau qui tape sur la tôle. L'eau qui glette. Ouais, qui glette. Qui glette. Donc, tu tapes sur la tôle. Ah non, mais parce qu'ils disent l'eau qui glette. Les non, mais c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ah, ils sont deux quand même, deux Belges. Ouais, bah ouais, mais bah, faut bon. Ça glette. Ça glette. Ça coule. Eh, dans un Belge, ça t'offre aussi déjà. C'est vrai. Très particulier déjà. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Bon, Maxime, donc vas-y pour le paranormal. Donc excuse-nous, continue où t'en étais. Donc tu entendais les bruits à 2h du matin. Un boom. Ouais, en fait, c'est un bruit, mais vraiment le sourd, quoi. C'est pas le petit bruit, genre un disjoncteur, comme vous disiez, mais c'est... Non, mais on disait disjoncteur, c'était un exemple, évidemment. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un gros boom chez moi, et tous les jours, en plus, enfin, toutes les nuits, plutôt. Ouais, enfin, toi, c'est à n'importe quelle heure, si tu parles de TP, hein. Non, c'est le paix. Non, c'est pas ça. En fait, tu sais, quand le frigo, il fait un certain bruit. Ouais, il saute. Voilà, ouais, et en fait, mon frigo, si tu veux, il est collé à mon mur. Il faut surtout pas faire ça. Ça consomme plus d'énergie, monsieur Roux. Ah bah très bien, moi je le saurai tout de suite. Décollez-le un petit peu. Rentrez vite chez moi ce soir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que arrête de mentir, à la pause, tu vas appeler ta mère. Ouais, j'avoue. En fait, la vibration que ça fait quand ça saute résonne dans tout le mur. Et donc, à chaque fois que je suis couché, j'ai l'impression qu'il y a un boom. Oh là là, quelle heure. C'est pas un boom. Ouais, oui. Et pourquoi tu l'as pas décollé? Il faut que je te dise que ça consomme trop pour que tu te dises, bon allez, je vais le décoller, ça fera plus le bruit du coup. Parce que moi, les bruits me gênent pas quand je dors, donc. Ah oui, ça c'est sûr. Il en fait tellement lui-même. Ah oui, ça je te confirme. Bon bref, et donc Maxime continue, excuse-nous. Ouais, mais moi c'est que le problème, je suis à l'étage et c'est le bruit, il vient d'en bas quoi. Faut que tu trouves d'où ça vient, il y a forcément une raison. Ouais, reste en bas à 2h30 du matin. Ça, ouais. Non mais ouais. C'est vrai. Déjà, moi personnellement, tu vis dans une ville dans laquelle il y a le mot fosse, ça me. Tu vois, je serais pas en confiance. Saint-Germain des Fosses, ouais. Je connais une ville en Belgique qui s'appelle Folletombe. Oh. Ah, vas-y, va Folletombe. Folletombe. Oui. Oui, oui, non, mais oui, oui. Après, ça veut rien dire, forcément, hein, mais. Il y a qu'est-ce qu'il y a comme ville aussi bizarre, tu sais, qui peut. Avec des noms de merde, ouais. Non, pas avec des noms de merde, avec des noms qui peuvent foutre les boules. Bourg-la-Reine. Je connaissais que Bourg-la-Reine, Bourg-la-Reine, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas encore pareil, mais bon. Mais Maxime, c'est vrai qu'il faut que tu ailles en bas. C'est drôle, ça. Il faut que tu ailles en bas, là où, où tu localises plus ou moins le bruit. Et puis, bah, il faut arriver à le trouver. Ouais, tu vas bien pas tomber dans la parano. Par contre, va pas seul. Hein. Mais si, va seul. On sait jamais, va mais pas seul. Là, mais on sait jamais quoi. Ça laisse un mot. Sandro. Quoi? Il dit, Sandro peut venir avec moi. Bah oui, avec un bruit. Ah non, moi j'irai pas avec toi, moi je suis une flippette. Hein. Oui, ça c'est sûr. Même quand elle démarre sa voiture, elle a peur, ça fait du bruit. Mais non, mais moi je sursaute pour rien du tout. Ah, oui. Mais à chaque fois, je me dis, mais non, il doit y avoir une raison. C'est comme les jets d'eau. Tu sais qu'il y avait un jardin en bas de chez moi, il y a les jets d'eau qui s'allument automatiquement l'été pour arroser. L'arrosage automatique. Juste, moi il y a ça, je crie quoi. Ouais, t'as vraiment un grain. Elle a un problème. Je suis pas là pour rien. Hein. Maxime, reste là deux secondes. Il y a Laurent aussi qui est là, qui aura peut-être une solution pour toi. On en parle dans un instant après la pub et après le son de la cave. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors, ça, c'est le nouveau moderne. Il élimine tout sur son passage. Et nickel, revient. Juste après ça. Voilà le son de Shine Down à l'instant. C'était Devour sur NRJ. Comme tous les soirs, vous lâchez vos messages au 612, débuté par NRJ. Sur emmickel.fm également. Et puis, un message qui est arrivé qui dit ça crie un peu trop pour moi. Un petit Cobra Starship, ça fait longtemps. Ou All Time Low. J'ai déjà mis All Time Low il n'y a pas si longtemps que ça. Demande un Boys to Men. Bon. Non. Un peu de silence. Comment s'écrit le son de la cave? Shine Down. S-H-I-N-E-D-O-W. WL avec Devour, D-E-V-O-U-R. Le compte est bon, je pense. Bah, moi, je te crois. Hein. Le compte est bon. Non, sinon, vous pouvez le réécouter sur amical.fm. Cliquez sur les sons et puis les sons US et sons de la cave. Voilà. Bon, on va continuer à parler de paranormal. On fera dans un instant une question pour une réponse également. Et puis, j'ai aussi deux places à vous filer pour assister à la Energy Session de Gossip avec iTunes. Ce sera le 5 mars à Paris. Si vous voulez gagner ça, 612, débutez votre message par Energy. Et puis, vous mettez Gossip tout simplement avec vos coordonnées. Bon, football, ouais. Au niveau de tout ce qui s'est passé, hein. Oh, ouais, mais... Putain, mec, tu fais chier, non, là. Attends, on a un invité en plus, tu vas. J'ai été pété là-bas. Tu fais chier, tu me fais chier. Allez, foot. Oh, putain. T'as pas fermé la porte. Ah, mais non, mais t'es resté dans ton jean. Ouais, non, bah, je suis pas sorti du studio. Bah. Ouais, donc ça sert à rien. Bah, oh, ça sent la merde. Ça pue sa race. Bon, bref, c'est dans quelques minutes, là. Il est 23h31. Il reste 29 minutes pour que ça soit la fin du mercato. Les clubs ont jusqu'à minuit. Ça dépend, en fait. Avec le décalage horaire. Ouais, voilà. Ils ont jusqu'à minuit pour faire leur offre. Ce qui est déjà sûr, c'est que l'ancien Stéphanois Ilan a signé à West Ham. West Ham et Portsmouth qui sont sur Kezman, le Parisien. Quelle équipe, t'as dit? Portsmouth. Portsmouth. Voilà. Mes condoléances au club s'ils le font signer. Lorient qui vient d'acheter Sébastien Dubarbier. Mmh, bah alors, c'est ça va être bon à marquer sur le maillot, ça. Un attaquant argentin. Ouais. Un attaquant au poil. Argentin qui jouait à Cluj. Sylvain Wiltord qui a signé à Metz. Grégory Bourillon. Donc, encore L2. Ouais. Bourillon parisien qui signe à Lorient. Lille qui a acheté Ricardo Costa de Wolfsburg pour 6 mois. Et pour l'instant, là, je regarde en même temps sur internet, il n'y a pas. Loïc Rémy va rester à Nice, c'est sûr et certain. Le Lillois Vitek qui est parti dans le même club que Rotten à Ankara Gouchoubou. Je t'interromps, mais elle va l'oublier. Tu penses à quoi? J'étais en train de me concentrer pour m'en rappeler parce que on a parlé du barbier et Jack il a dit ça va être galère pour écrire sur le maillot. Non, c'est moi qui ai dit ça. Toi. Pour les gonzesses, ils devraient mettre les noms des mecs mais en rébus. J'ai pas compris. C'est pas grave. En rébus. Tu connais les rébus, hein? Ouais. En rébus ou... Mais pour les gonzesses, ils devraient mettre le nom des mecs. Oui, parce qu'on est obligé de se taper le match, nous aussi, bien souvent, à la maison. Tu voudrais jouer en même temps. Et comme ça, bah, ça t'occupe, tu vois. D'accord. Tu participes un peu au match, voilà. Ouais. D'accord, mais ils seraient quand même cons avec une goutte d'eau, font, égale, hein. Plus... Ah, ils le font déjà? Ouais, l'équipe nationale qui a gagné la CAN et l'équipe d'Égypte, c'est marqué. Désolé de t'avoir interrompu. Oui, bravo d'ailleurs aux Égyptiens qui ont gagné pour la troisième fois la CAN, c'est de c'est suite. Vrai. C'est du jamais vu. Bon, sinon, il y a ce qui s'est passé en Angleterre, à Chelsea. Vous n'avez pas du tout entendu parler. Que s'est-il passé à Chelsea? Des trucs sur le terrain, là. Puis ça tombe bien, puisqu'on va écouter Sherry Cole après. Non, la baston, c'était pour Monaco-Nice. Ouais, effectivement, c'est des supporters niçois qui sont rentrés sur le terrain et qui ont lynché un stadier de Monaco. Ah, ils ont... c'était un stadier? Ouais, parce qu'ils étaient tous sur lui. C'était violent. Ils l'ont défoncé et tout. Et depuis cette histoire, tu as quand même la Ligue française de football qui se pose la question et qui dit, je pense qu'on va arrêter les déplacements de supporters dans d'autres villes. Ouais, surtout Paris. Voilà, donc juste pour rappeler à la Ligue, même si je pense qu'elle le sait, mais c'est un peu bizarre, quand il y a des déplacements de supporters adverses dans les clubs qui jouent à l'extérieur, ils prennent un car, ils sont 200, c'est organisé, il y a des stadiers, ils ont les noms. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est bien organisé. Si tu dis on arrête les déplacements, les mecs ils vont tous venir par leurs propres moyens, donc ouais, tu vas avoir des mecs en train, des mecs en bus, des mecs en voiture, des mecs à pied s'il faut. Et donc là, rien ne sera organisé. Et s'ils se retrouvent sur place et qu'ils niquent tout, ils ne sauront pas du tout qui a cassé. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu con. Mais bon, en même temps, la LFP, ils ne sont pas super fuite-fuite. Non, le truc à Chelsea, c'est Tiger Woods qui a maintenant son frère jumeau. Ah. En fait, c'est John Terry, le capitaine de Chelsea. Donc la presse anglaise va juste le démonter. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, les tabloïds... Ouais, c'est des trucs de ouf. Les mecs, ils font 5 pages pour une connerie. Hein. Ah ouais, c'est horrible. Ils défoncent les joueurs de foot. En fait, il a fait pire que Tiger Woods. John Terry, il est avec sa femme depuis qu'il a 16 ans. Il s'est marié il y a 2-3 ans, je crois. Et apparemment, il a voulu aller voir si le gazon était plus frais ailleurs. Donc, il a trompé sa femme plusieurs fois. Et il s'est même arrangé avec un de ses anciens coéquipiers qui s'appelle Wayne Bridge pour qu'il lui prête sa maison quand il voulait mettre la balle au fond. Quoi. Ah, voilà. Mais en même temps, on accuse toujours les footballeurs, mais les femmes font pareil. Hein. C'est vrai. Victoria Beckham, moi, je sais qu'elle consomme ailleurs aussi. Hein. Je sais. Parce que j'ai des amis qui m'ont raconté qu'elle aimait bien sucer. Oui, c'est... Là, c'est bah, corps. Ce sont les magazines qui te racontent non, ça. Non, pas du tout. Là, elle l'a trompé avec la meuf d'un autre joueur. Voilà. Ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est très sympa de la part de Wayne Bridge de lui prêter sa maison. Le problème, c'est que si c'est pour se taper la femme de Wayne Bridge, ça le fait moins. En fait, il a niqué la femme de Wayne Bridge. Il y a quand même les coéquipiers, parce que maintenant, Wayne Bridge joue à Manchester City. Le week-end dernier, quand le scandale est sorti, tous les coéquipiers de Wayne Bridge à Manchester City avaient un t-shirt sous le maillot. On te soutient, Wayne. Quelle bande de connards. Sa femme s'est fait démonter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça allait plus loin. Oh, la violence. Attention, sa femme, elle s'est fait démonter. Mais il l'a foutu. En fait, John Terry, il a foutu la femme de Bridge enceinte. Et il a organisé l'avortement. Oh, c'est putain de... Donc, ça elle fait... est française en plus, hein. Ouais, c'était une française. Vanessa. De Poncel, de Montel, ouais. Je sais pas quoi, une mannequin. Donc ça fout grave la merde, surtout en Angleterre où ils sont un peu ouf là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est comment le scandale est sorti. En fait, dès que le scandale a commencé à... Tu vois, dès que ça a commencé à sortir la merde pour John Terry s'est dit putain, je vais vraiment être mal, je vais aller voir un juge. Il est allé voir le juge, il a dit au juge, il faut respecter ma vie privée, il y a telle info qui va sortir, je veux faire attention et tout. Le juge, il a dit, non, moi, il faut respecter le droit à l'information. Donc tout a été divulgué à cause du juge. C'est surtout pas le droit à l'information, ça, pour le coup. Je sais pas comment ils peuvent juger ça. Peut-être qu'ils supportaient une autre équipe que Chelsea, hein, le juge. Ouais, simplement, hein. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment la merde. Ça n'a pas empêché John Terry de mettre un but et de faire gagner Chelsea le week-end dernier. Ça n'a pas empêché sa femme de se barrer. Oui, puisqu'elle veut divorcer, les sponsors vont le lâcher. Il y a même certains mecs de la Fédération anglaise de foot qui vont demander à ce qu'ils soient exclus de l'équipe d'Angleterre. Oh. Les mecs, ils vont un petit peu loin. Ouais, et juste pour rappel, la mère et la belle-mère de John Terry ont déjà été arrêtés pour vol à l'étalage. Alors que techniquement, ils gagnent 240 000 euros par mois. Ils n'ont pas besoin de voler. Son père deal de la drogue. Et que son père a été photographié pendant qu'il essayait de vendre le hook. Mais c'est pas vrai. C'est mal parti pour John Terry. Allez, mais non, elle va revenir. La meuf de Tiger Woods est revenue. Elle ne veut plus divorcer. Elle veut plus divorcer, c'est vrai. Ouais. Et comme je sais qu'on explique une dernière info un peu drôle, c'est un gamin de 8 ans qui a envoyé sa lettre à la Fédération française de football pour annoncer officiellement qu'il était candidat comme sélectionneur pour remplacer Raymond Domenech. Bon, ça peut pas être pire. Mais c'est énorme, c'est aussi. Ça peut pas être pire. Il faut savoir qu'on connaîtra le successeur de Raymond Domenech avant même le début de la Coupe du Monde. Ouais, et ça c'est va bon. Pas tarder là. Laurent Blanc a peut-être dit oui. Cheryl Cole qu'on écoute maintenant avec Fight for This Love. La meuf d'Ashley Cole. Ah bah parfait. Et puis on fera le question pour la réponse juste après. On essaiera de récupérer Laurent et Maxime. Et plus de permis, Ashley Cole. Et le son de Cheryl Cole à l'instant avec Fight for This Love. On va jouer maintenant question pour une réponse avec Cyprien et avec Mathilde. Bonsoir tous les deux. Bonsoir à toute l'équipe, salut. Comment ça va? Bah, très bien. Super. Bon, bah tant mieux, hein. Soyez les bienvenus tous les deux. On va donc jouer aux questions pour une réponse. Tu veux jouer avec qui, Cyprien? Avec Roux. Avec la Rousse. Allez. Et Mathilde, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Avec Sandro, allez. J'ai oublié de tricher. Faut aller vite, là. Hein. Ouais, bah, il va falloir aller vite. J'ai oublié de tricher. Je te confirme. Allez, c'est parti. Jouons maintenant aux questions pour une... Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, Mathilde. C'est parti, on y va, attention. Top. top. Je peux être un amas de bulles formé à la surface d'un liquide sous pression ou être le siège d'une fermentation. Je suis également un entremets. Roux. De la mousse. De la mousse. Non. Cyprien. Ah, c'est pardon, de la mousse. Oui, oui, c'est moi qui dis la merde. Oui, effectivement, bonne réponse. Un dessert à base de blanc d'œuf ou de crème fouettée. Attention, dites-moi aussi que je suis un pâté ou toute autre préparation de consistance légère et mousseuse, comme la moie de canard, de volaille ou encore de chocolat. En cuisine, on dit que je ne suis pas de l'écume. Je suis une des meilleures amies de l'homme, car grâce à moi, s'ils ont du temps le matin, je les rends beaux. Mettez-moi Diouf après mon mot et je serai un acteur connu dans la série Julie Lescaut. Par contre, si vous mettez le mot pouce devant, je ne serai qu'une simple glace. Je suis une mousse. Deuxième question, on y va, vous êtes prêts? Ouais, on va essayer. Top, je suis une confiserie de couleur blanc ivoire et je contiens aussi des produits laitiers, mais aussi du sucre. Sandro. Oui. Du galac. Non, de la lecithine ou encore des arômes, même si ce n'est généralement que de la vanille. À température ambiante, je peux fondre dans la bouche, mais je peux aussi être croquant. Mathilde. Les œufs Haribo, non? Non, j'ai été produit pour la première fois en Suisse dans les années 30 par Nestlé dans le but d'utiliser... M&M's? Non, les surplus de beurre et de cacao. Il a d'abord été distribué en Amérique en 1948 avec l'introduction des barres de moi de Nestlé qui contient du moins et des amandes. Je suis aussi très bon, Mathilde. Calichon, non? Non, pour la santé, puisque je contiens peu de cholestérol et très peu de sodium, j'apporte beaucoup d'acides gras saturés. Spéculoos? Non, Sandro m'adore sous plein de couleurs, comme le noir, mais aussi sous plusieurs sortes, comme Sandro le lait ou encore les amandes. Sandro, le chocolat. Il est fallait dire que c'est si simple. Et dernière question, vous êtes prêts? Ouais. Attention. Top, je suis né le 28 octobre 1964 à Dakar, au Sénégal, et je suis un acteur français, de temps en temps comique. Je fus d'abord tenté par la boxe, mais finalement... Mousse Diouf, bonne réponse. Je me suis lancé dans la comédie où j'apparais dans divers films. Je suis par ailleurs auteur et interprète d'un one-man show intitulé Avant, quand j'étais noir. Je suis surtout bien connu du public pour le rôle de l'inspecteur Nguma, que j'interprète depuis 92 dans la série télévisée Julie Lescaut. En 2004, je participe à la ferme Célébrité. J'ai joué dans plusieurs films comme L'Union Sacrée, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ou encore Le Raid. Et mon vrai prénom est Pierre Mustapha. Je suis donc Mousse Diouf. Oh, il s'appelle Pierre Mustapha. C'est mieux que Jean Mustapha. Hein. C'est vrai. Eh ben, il était rapide, tu vois. Oui. Putain, tu étais rapide. Cyprien, c'est gagné, bravo. Ouais, merci. Ouais, cache ta joie. Hein. Oh là là. T'as l'air d'être content, hein. Bah ouais, je suis content. Mais je peux pas trop parler, les yeux ils dorment. Cyprien. Ok, ouais. Cyprien, t'es galant ou pas, toi, comme mec? Ouais, il est... Bah, file ton cadeau sans même savoir ce que c'est à Mathilde et prouve-nous que t'es un vrai homme galant. Bien tenté. Bon, tu vas gérer les cadeaux avec Michel au standard. Cyprien, salut Mathilde, à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao à vous. Et puis, salut Mathilde, comment elle a capté direct? Oui, il est très galant. Et retour du question pour une réponse demain même heure. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Et on écoute Jay-Z Alicia Keys, Empire State of Mind après la pub. Le son à l'instant de Jay-Z Alicia Keys avec Empire State of Mind. On est là tous les soirs entre 21h et minuit et on récupère Maxime avec son histoire de bruit là tous les jours à 2h du mat, enfin toutes les nuits plutôt à 2h du mat. Et Laurent qui est là également, qui voulait réagir au paranormal et qui a peut-être une solution, une idée, un truc qui pourrait aider Maxime. Salut Laurent. Salut. Comment ça va? Ah bon, salut. Ah bah dis donc, t'as l'air content. Hein. Ouais. T'as l'air en taquet, mec. Hein. Non, j'ai un petit peu la voix enrouée, excuse-moi. J'ai un petit travail, je veux dire. Et y a pas de mal, c'est pas grave. Bon, alors on t'écoute, Laurent. Qu'est-ce que t'avais à dire par rapport à tout ça? Bon, c'est par rapport à la maison qui est soi-disant hantée à Villeneuve. Ah oui, ouais. Dans le nord de la France, ouais. Tu la connais? Moi, je la connais, ouais. D'accord. J'ai grandi à côté, donc... T'as carrément grandi à côté, c'est fort. Et il y a vraiment quelque chose ou c'est que du pipeau, il se passe absolument rien? En fait, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Ouais. C'est quand même, bon, on y allait en vélo pour se faire peur. D'accord. Et il y a pas sûr dans ça, il y a 4 à 15, j'ai connu quelqu'un qui travaillait à la mairie de Winnendas, donc j'ai posé la question. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette maison? Et en fait, c'était une maison qui était frappée d'alignement. Qui était quoi? Qui était frappée de quoi? D'alignement. En fait, elle devait être démolie pour pouvoir construire une voie rapide. Donc, elle a été longtemps inhabitée. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il y a vraiment un gosse là qui est mort dedans ou pas? Il y, Il paraît qu'il y a un gosse qui est mort dedans. Il y a c'est toujours ouais, pareil. Ouais, non, mais attends, jamais sûr quoi. Il y a plein de maisons où il y a des gosses qui sont morts dedans. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je me dis. Je sais que j'ai vu des petits vieux qui cultivaient un terrain intérieur. Ouais. Mm-hmm. Donc il paraît que ces petits vieux tiraient à vue quand il y avait des curieux qui venaient. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que toujours des petits malins qui jetaient des pierres ou. Oui, après voilà, donc c'est ça se trouve il y en a plein qui balançaient le dossier et puis après t'as ceux justement qui entretenaient. Ah bien sûr, c'est kiffant. Quand t'es gamin, c'est kiffant. Bien sûr. Il y a aussi une paire d'accidents, une paire de voitures qui sont encastrées sur le mur. Ouais. Sur le mur de clôture et c'est facile parce que la maison en fait elle est dans un virage. Ah oui, donc forcément alors, les accidents. Ouais, d'accord. En cas d'agrès, les voitures y allaient, puis pouf, elles tournaient pas, et elles rentraient directement dedans. Quoi. Donc, ouais. D'accord. Au-delà de qu'elle est montée au mur. Ouais, donc oui, voilà, y a des... ça, c'est explicable, quoi. Voilà, et ce qui est maintenant, c'est une maison qui a été rachetée par un... un évangéliste. Ouais, il paraît, ouais. Voilà. Donc, il est chelou, le bonhomme, on l'a vu. Ouais, il avait une tête bizarre. Il y a la vidéo de la maison sur le blog, si vous voulez jeter un oeil. Michael.fm dans le blog. De quoi ? J'ai pas vu ça tout à l'heure à la radio, j'ai pas été, je suis chauffeur routier, je suis dans le camion. Ah oui, mais c'est pas grave, hein, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Peut-être qu'ils vont faire des CB vidéo. Je sais pas. Des CB vidéo. Gros malin. On fait un téléphone 3G gros malin. Avec vidéo, c'est pareil, c'est bon. Ouais, mais bon, ouais, CB c'est autre chose. Ah ouais, dis pas, si on vous remplaçait la CB, ça. Je serais pas content. Ah, mais la CB n'existe plus. Ah bon, du tout ? Et dans ta gueule. Ah, c'est fini maintenant. Le GPS a tué la CB. Ah oui. Technologie conne. Ah non, mais c'est vrai. C'est quand même plus facile de te faire tracer par un petit point sur une carte. C'est-à-dire, au fait, je suis au kilomètre 17, là, pour aller sur Toulouse, je prends quoi, là ? Allez, t'as vu. Ah, mais c'est moins drôle. GPS, t'as pas les putes. Non. Mais oui, non, mais oui, c'est vrai. T'as c'est pas vrai. Le téléphone rose de la CB. Ouais. Ça va arriver, je suis sûr. Hein. Bah, Laurent, merci à toi. Plus, hein. Merci point d'intérêt passé, dans la ville. Merci à toi d'être passé, Laurent. Et puis, bonne chance. Et puis, attention sur la route. Hein. Ok, promis. Bon, salut à toi, Laurent. À bientôt. Ciao. Ciao. Ça serait vraiment drôle. Katharina au kilomètre 14. Non, mais la pipe. Je vous conseille d'aller 3 km plus loin en tournant à gauche. T'imagines, ça peut être drôle quand même. Ah. Bon, allez, 23h54. On se fait le POLO show. Hey, this is Brendan. And this is John. From Panic at the Disco. You're listening to the Polo Show. Polo. Bienvenue dans le Polo Show. Moi, ça peut aller. J'y vais prendre un peu de sirop. Je tiens à saluer Maurice, qui travaille sur WFM, qu'on a rencontré vendredi soir avec le roux sur la porte maillot. Il avait crevé un pneu. Et puis, voilà, il était très gentil, très sympa. Et il sentait bon. Non, sérieux, il sentait un parfum très, très agréable. Il a salué tous les auditeurs d'Énergie. Ouais, il nous a salué. Voilà, un peu plus, on se retrouve juste après. Énergie et Dulcolax présentent Enrico Lachias, le chanteur le chanteur le plus lisse et le plus coulant de sa génération. Ce caleçon pourri, je chiais dedans aussi. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, bonjour de tout. Pays, sentez ce pémoisi, prenez ce cadeau et puis pétez aussi. Et sa chanson où il invite tous les pays et toutes les religions à se lâcher chaleureusement. Pété, pété, pété, pété, pété, pété, pété, pété, pété, pété, un gros caca. Il sera en concert à l'hôpital Velpo à Velpo demain midi. Et à la maison de retraite Foncine, à côté de la Napoule. Prendre autoroute A256, direction Plouc-Saint-François. Et là, vous y êtes presque. Oh mec, Enrico Lachias, en live, un événement ça, énergie. Clochard. Ah, juste avant. Hello, you're listening to the Pop-Up-Up-Show with Paramore. Call in. Oh, have fun. I thought he said call in and have fun. Merci aux gens de Paramore d'avoir fait ce jingles. Elle était très belle. Enfin, moi, elle me plaît. Voilà. Donc, c'est une petite rousse assez sympa, un peu mince. T'as bien les rousses, non ? Non, pas les vrais. Les teintures. J'aime bien que c'est de la teinture. Il paraît que. Donc voilà. Je voulais pas insister sur l'odeur des roues. Après, on va me traiter de raciste, etc. Par contre, l'odeur du roux, je peux confirmer que. Mais le roux pue d'une seule aisselle. Ouais, c'est celle de gauche. Et que le cul aussi, hein. Ouais, mais ça c'est normal, c'est fait pour ça le cul. On va commencer ce polo show avec une poignée d'auditeurs qui est là. Si Michel a bien fait son travail. Ce qui n'est pas gagné. Allô ? Visiblement, il n'a pas bien. Qui est là ? Allô ? Oui, je t'écoute. Oui, Polo, j'ai peur, Polo. Ah, bah oui, ah. T'as peur de quoi? J'ai peur, en fait, il y a une qui, dame... Tu es qui? Ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance, peut-être que tu ne connais pas ta vraie identité. Je suis un anonyme. D'accord, bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai peur, en fait, il y a une dame, elle a dit qu'il y avait... Il y avait un esprit qui se promenait là où je travaille. Ah, et ben, écoute... Je sais pas quoi faire, Polo. Oh là là, moi, c'est pas mon métier, le... Je suis pas oui, spirit, mais... tu vois ce que je veux dire. Je travaille, je suis pas médium. Ben oui, mais comment on peut faire, Polo? Mais j'en sais rien. Aide-moi, t'as... Polo. Je sais pas. J'ai peur, Polo. Bon, allez, on va y aller, casse-toi. Qui s'y me prend la tête avec ces esprits? Qui est là? Oui, comment tu vas? Ah, monsieur Zambor en bord. Oui, non, c'est Gilles, oui. Monsieur Gilles-Louis alias Zambor en bord. Oui, ça, on le sait. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Gilles-Louis? Et moi, j'ai trouvé un nouveau métier. C'est quoi? Je suis manager d'artiste. Ah, d'accord. Et c'est quoi comme artiste? Oui, je produis un nouveau groupe. C'est un groupe américain. Ouais. Et il s'appelle les 30 Second to Bled. En fait, c'est un ancien acteur et maintenant il est devenu chanteur. Hein? Il s'appelle Jared Leto. Voilà, donc Jared Leto, c'est un très bon acteur. Maintenant, il est aujourd'hui chanteur et il adore quelqu'un, il aime beaucoup quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un grand animateur aussi d'énergie. Il s'appelle comment? C'est celui avant toi, Harikael. Ah, d'accord. Je connais pas Harikael. Harikael, bien d'accord. Sûr. D'accord. Bah, voilà. Et donc, je te produis, si tu veux, je me produis, je le produis aussi. Bah écoute, voilà, on va tout produire. Je le rappelle encore au Hlahaklan. Tu connais le Hlahaklan? Non, c'est où? Ça se trouve où ça? À côté de République. D'accord. Voilà, donc le 30 Second to Bled. Ouais. Avec Jared Leto. Ok, bah merci monsieur Zambaramba. Voilà, je te fais des bisous. Hein. Quand vous voulez. Allez, je te fais des bisous. Hein. Allez, casse-toi, il me saoule ce Zambaramba. Allô, qui est là? Bisous. Bonjour, bienvenue dans le Polo Show. Merci. Bon, c'est J-Pierre. Je suis le cousin de Gilles-Louis. Ouais. J-Pierre, c'est un prénom décomposé qui vient d'Asie orientale. D'accord. Du nord-est. Mais dis-moi, dans votre famille, vous changez tous de prénom comme ça? Non, c'est notre prénom. Je suis plus français que toi. C'est comme Gilles-Louis, on est plus français que vous tous. D'accord. Et j'appelais parce que je crois j'ai des esprits à la maison. Toi aussi, décidément. Ça sent tout le temps le couscous. Ouais. Et pourtant, je mange pas le couscous. Bon, J-Pierre, on va y aller. Oh, ben, on y va où? Ah, toi, tu vas rester chez toi et moi, je vais rester là. Ah, ben alors, j'y vais, je reste où j'y vais. Bon, ok, au revoir. T'as quelque chose à rajouter, Jean-Pierre? Oh, oui, je peux parler pendant des heures. Si tu veux, je peux non. faire une dissertation. Ouais, sur mais ça la va aller. Non, tu veux pas? Non, ça va aller. Au revoir, J-Pierre. Salut. Bisous. Je crois qu'on va terminer ce Polo Show dans quelques instants. Qui est là? Garde patience. Le monsieur va te faire chier. H-5 secondes. Monsieur! Bravo. Alors bravo toi. Alors bravo. Alors bravo. Bravo. Bravo de quoi pour nous? Alors bravo. Ah, t'es au courant? De quoi? Non, je suis au courant de rien. Pourquoi tu dis bravo connard? Bah ouais, tu vas te calmer, tu vas me parler autrement avant que je te mette une balayette via le téléphone. Polo. Quoi? N'oublie pas. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je fais pas le malin, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Monsieur. Oui, Polo. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, tu sais quoi, Polo? Non. Eh ben, ce matin, je dormais avec Chiffon. Ouais, bah oui, bah oui. Putain, il a nous bouffé. Et d'un seul coup, eh ben, la porte, elle a sonné. Ah. Ouais. C'est nouveau, ça. Eh ben, elle a sonné, ouais. Ouais. Et puis, bah, j'ai pas ouvert. Ah, d'accord. Polo. Oui. Parce que j'ai regardé qui c'était. Et c'était qui? Je sais pas, c'est toujours lui. Mais c'est qui, lui? On va le savoir un jour ou pas? Ah, bah, dans une semaine. Ou je vais mourir comme ça, sans savoir qui est derrière cette porte. Monsieur, comment va Chiffon? Eh ben, Chiffon, il est là, il est assis à côté de moi. Il a quel âge? Eh ben, Chiffon, il a 3 mois. Et c'est quand son anniversaire? Son anniversaire, c'est... Hey, maman, c'est quand l'anniversaire, Chiffon? Le défi, maman, les défis. Il y a ZZ aussi. C'est 8 octobre, dis maman. D'accord. On va y aller, monsieur. Non, il n'y a pas de... Il y a de la pub, il y a des disques, il y a tout, là. Ça pousse et c'est dur, là. Ouais. Ça me fait mal. Il va falloir tout habituer. On va y aller, monsieur. Non, on va pas y aller. Si, je t'assure. Polo, il est là, Ikaël? Il n'est pas là. Ah oui, j'avais oublié la cérémonie de fin. Non, il n'est pas là, Ikaël. Elle est là, Sadra. Sadra, elle est pas là. On a les draps, on les a, mais Sandra, elle est pas là. Hop, petite vanne un peu naze, mais comme ça. Oui, il va falloir changer tout ça. Il est là, Jack? Jack, il est pas là. Tu pourras remercier pour son texto. Pour son texto, ça sera fait. Il est là, le pervers? Il est pas là, le pervers. Ah, il est où? Eh ben, il est pas là, il est dans la perversité, il gère sa perversion. Il la gère ou il est ailleurs? Hein? On va y aller, monsieur, je t'assure, ça vaut mieux pour tout le monde, on va y aller. Allez, au revoir. Ben, Tolo. Ouais. Il est là où? Il est pas là. Ainsi s'achève le Polo Show. Au revoir, monsieur. Allez, c'est fini, hein. Et on se retrouve demain 21h. Et Polo qui est en pleine forme, ça fait plaisir et ça change de d'habitude surtout. Waouh! Où sont les gars?